Rapidement, j'aimerais commencer par situer cette séance. Alors, la façon dont nous allons procéder, je vais donner le plan finalement de la séance, c'est que dans l'introduction et plus encore au moment où on arrivera à la fin de mes diapositives, qui sont peu nombreuses, qui terminent sur le sommaire du livre, on aura une discussion où Mareike et moi, nous avons beaucoup d'éléments, mais le but n'est pas de parcourir tout le livre, c'est plutôt de choisir les points qui nous intéressent tous et d'en discuter. Donc pour situer la séance, j'aimerais dire que c'est une séance de lecture, mais c'est aussi une séance du cycle Europe du séminaire, dans la mesure où ça introduit véritablement la dimension à la fois historique et comparatiste à l'échelle européenne, ce qui est quelque chose qui manque ou manquait souvent dans nos activités d'humanité numérique et que nous essayons de développer. Mais je signale que le 2 avril prochain, nous aurons une séance plus spécialement consacrée à l'Allemagne, dans notre cycle Europe donc, avec deux autres invités allemandes qui parleront de la situation dans les pays germanophones et plus particulièrement en Allemagne. L'autre remarque pour situer la séance que j'aimerais faire, c'est que outre l'anglais auquel nous nous intéressons beaucoup parce que c'est très largement l'environnement, je dirais, de naissance du terme et d'un certain nombre de problématiques des digital humanities, c'est la deuxième grande langue de culture que nous rencontrons dans ces lectures après l'italien. Je le mentionne, pas seulement pour faire l'historique à notre usage à nous deux ou trois ou quatre du séminaire depuis l'an dernier, mais aussi parce que la comparaison serait très intéressante. Alors on ne va pas la faire en détail, mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a divers angles sous lesquels ce que faisait Domenico Fiormonte et en un sens Tito Orlandi peut être rapproché de ce que fait Peter Haber, tout en étant assez différent. Ce serait intéressant, peut-être qu'on le fera un jour, de reprendre ce qu'on a déjà vu et de voir en quoi ça se répond, en quoi il n'y a pas de communication au contraire. Je dis sous plusieurs angles. Par exemple, il y a vraiment un public linguistique qui est défini, public linguistique national, et qui implique une perspective particulière. Là, on le verra bien, je crois, avec Peter Haber. Il y a le rapport à une tradition, une histoire propre. Ça, c'est ce que j'avais beaucoup dit à propos de l'Italie et qu'on avait vu, qui était assez intéressant. Le rapport nécessairement à une histoire générale des digital humanities, beaucoup plus large, qui commence vers le milieu du XXe siècle ou qui remonte avant en s'inscrivant dans l'histoire des techniques et des pratiques savantes. Et puis le rapport à l'historiographie, aux théories, aux projets anglophones, qui sont plus visibles, pour le dire ainsi, qui sont plus faciles à connaître et à étudier aussi souvent. Dernière façon d'introduire le propos, je dirais que mon point de vue à moi, contrairement à celui de Mareike en un sens, est doublement extérieur. Alors je vais dire pourquoi quand même je ne suis pas complètement illégitime. Je ne suis pas historien et je ne suis pas de culture germanophone. Ça fait deux bonnes raisons de ne pas vous parler de ce livre, ou bien deux bonnes raisons d'en parler. En un sens, nous sommes tous historiens, ça c'est ma thèse du jour à discuter, et c'est un point, peut-être une sorte de point aveugle du livre en un sens, qui ne pose pas explicitement la question de savoir en quoi, en parlant de l'histoire, il parle de bouleversements plus généraux des sciences humaines et sociales, alors qu'il y a beaucoup de matériaux dans le livre pour réfléchir à ça plus largement. Plus ou moins selon les disciplines ou les intérêts de recherche, mais nous sommes tous historiens, et dans cette mesure-là, la science historique, comme le dit le sous-titre, à l'ère numérique, nous concerne. Et puis, par ailleurs, pour revenir à cette question de tradition nationale, un livre comme celui de Peter Haber me semble particulièrement précieux pour un lecteur extérieur à son milieu. Il s'adresse à un milieu relativement défini dans son livre, mais justement, quand on n'est pas de ce milieu, c'est très intéressant, parce que il y a toute une bibliographie, par exemple, qui m'était complètement inconnue, et des références germanophones que je n'ai pas vues dans d'autres sources. C'est presque une tautologie, mais ça ne devrait pas l'être. Et puis du reste, on ne peut pas être complètement extérieur au travail de Peter Haber dans la mesure où il était très inséré dans les réseaux européens et internationaux des humanités numériques. Et j'avais cité dans l'annonce sur le carnet Philologie à venir l'expression de Miles Kelly au moment où est décédé Peter, qui avait dit qu'il avait appelé Peter the Connector, celui qui crée les liens. Alors bon, j'imagine qu'il y a une référence un peu médiévale sur les différents surnoms des érudits médiévaux derrière ça, mais en tout cas Pierre le Connecteur effectivement tisse tellement de sources, de centres d'intérêt différents ensemble dans un livre comme celui-là qui est une synthèse, que ça intéresse forcément tout le monde. Ici, la réflexion est très vaste, mais je signale qu'il avait été l'éditeur scientifique d'un ouvrage beaucoup plus précis sur la situation suisse, 2 ans avant, en 2009, qui s'appelait « Computergeschichte Schweiz ». Et la motivation de la séance, pour terminer cette situation, elle est triple. D'abord, c'est un hommage, évidemment. C'est comme ça que l'idée nous est venue, ça nous semblait assez naturel de présenter un livre de Peter Haber à l'annonce de son décès l'an dernier. Introduire un point de vue germanophone qui n'était pas présent dans nos discussions du tout. Et puis présenter une réflexion qui est quand même reconnue comme importante, clairement, sur l'histoire numérique, ou plutôt sur ce qu'il appelle l'histoire à l'ère numérique. Je dis une réflexion reconnue comme importante, ce qui semble être une façon de rendre digne mon sujet. En fait, je pense que c'est là qu'on viendra, je crois que Mareike est assez d'accord avec ça. D'un certain point de vue, quand on connaît suffisamment ce qui s'est fait depuis 4 ou 5 ans dans ce domaine, en lisant le livre, on a l'impression d'une très très grande précision, mais en même temps d'être face à des listes parfois presque banales. Banales quand on vit dans le même milieu, quand on s'intéresse aux mêmes choses. Mais je crois qu'il faut réfléchir sur cette banalité. Ça ne veut pas du tout dire que le livre est mauvais, loin de là. Ça veut dire que ce qu'il fait est relativement descriptif, il sait pourquoi il le fait. Voilà. Donc, une réflexion importante qui, par ailleurs, a été faite publiée il y a 2 ans, même un peu plus de 2 ans, c'est-à-dire que sa genèse remonte à il y a 5 ou 7 ans. Si bien que tout ce qui nous semble évident dans les tendances importantes, j'en nomme une seule à la fin du livre, la visualisation, ça nous semble une évidence maintenant, pour peu qu'on ait 5 ou 6 filières SS dans nos boîtes, ça n'était pas si évident de le dire et d'en faire un thème important dans une synthèse. Au moment où il travaillait. Alors maintenant, je propose en quelques minutes de dire qui était Peter Haber en donnant des éléments, surtout qui ont un rapport avec le livre. Là, tu interviens quand tu veux, Mareike. Tout d'abord, alors je reprends en quelques principalement les liens que j'ai donnés dans l'annonce. Vous pourrez les retrouver sur le blog Philologie à venir. Il était le fondateur, cofondateur avec Jan Rodel d'un site, tout d'abord, qui s'appelle ListNet, donc le réseau pour l'histoire, hein, qu'il a fondé avec son collègue donc, de l'université de Bâle en 1999. Bon, il s'est fondé en 98 et mis en ligne en 99. Ce qui signifie que c'est effectivement, comme Bill Skelly le suggérait, peut-être le plus ancien blog d'histoire en ligne, qui s'intéresse proprement aux questions d'histoire numérique. La page de Peter sur ce blog sera intéressante, mais avant je passe par quelque chose qui dépend du blog, qui dépend du site qui est un blog. Voilà, ma langue a fourché précisément. Il y a une section blog dans ce site qui est effectivement très ancienne et particulièrement suivie. Ce qui m'intéresse en signalant le blog, c'est qu'il a été une partie prenante de la genèse du livre, et qu'il a fait le choix, qui semble naturel mais qui n'est pas pratiqué tant que ça en réalité, de livrer des matériaux, d'offrir à la discussion, et de faire de son blog une sorte de log, c'est-à-dire de carnet, des idées, de l'évolution de ses projets, avant la composition du livre, d'un panorama donc. On y reviendra à propos du livre. Pour ce qui est de sa page donc, sur ISTNET, vous trouverez un certain nombre de liens. On remarque, comme sur sa page Wikipédia, qu'il a une bibliographie double, qui me semble extrêmement typique. D'abord, pendant une quinzaine d'années, des études sur la culture des Juifs hongrois, plus précisément sur la question de leur intégration culturelle, sociale. Et après, un certain nombre d'ouvrages, des livres sur les relations entre l'histoire et les technologies numériques. En Suisse, comme je l'ai dit, ici d'une façon générale dans Digital Past, et puis aussi un intérêt plus précis pour Wikipédia, un article que Wikipédia cite, puisque c'est un article sur Wikipédia par exemple, où il développe cette idée de la nouvelle encyclopédie, et ce que ça peut signifier pour un historien. Et également, quelque chose qui n'apparaît pas beaucoup dans le livre, mais qui je crois est important à signaler, c'est qu'il avait intégré l'enseignement à l'usage de l'Internet, dans son enseignement donc dès les années 1990. Donc d'emblée, c'est quelqu'un qui a fait partie, pour utiliser une métaphore complètement éculée, des pionniers c'est-à-dire quelqu'un qui, parce que son usage propre lui faisait utiliser, avant le web tel que nous le connaissons et avant le copier-coller des écrans, hein, les technologies numériques, et qui formait ses étudiants à aller chercher les sources sans interface et, une fois arrivés sur l'information, à les recopier sur un petit carnet à la main. Donc à utiliser véritablement toutes les technologies disponibles au moment où elles devenaient disponibles. Dernière activité qu'on peut signaler, il a été pendant longtemps le rédacteur d'une liste, cite et liste de discussions qu'il cite et qu'il commente un petit peu, qui à mon avis est intéressante aussi parce qu'elle relie deux champs historiques, donc ça c'est pour histoire, pour et puis l'histoire sociale et l'histoire culturelle, qui sont qui est une distinction assez intéressante, enracinée dans l'université allemande, mais aussi intéressante parce que du côté des sciences sociales, on peut penser qu'il y a une intégration facile de la dimension proprement numérique, au sens, je veux dire, des statistiques, du calcul, de l'usage des séries de données, des données sérielles, etc. Tandis que du côté des sciences de la culture, la question de l'usage des technologies se pose différemment. C'est une chose qu'il mentionne de nouveau dans la conclusion du livre d'ailleurs. Donc il a longtemps été un éditeur actif, et c'est un bon exemple de liste de diffusion d'informations et plus, de communication entre historiens. C'est un portail disciplinaire et une liste disciplinaire. J'ai aussi mentionné, bon ça je passe très vite, un livre qui est paru de manière posthume il y a peu de temps sur la History Blogosphere, qui est là, dans lequel Mareike et Pierre ont chacun un article d'ailleurs. Et puis enfin, pour montrer cet aspect international également, il faisait partie des gens qui ont organisé ces Global Perspectives on Digital History, qui sont une sorte de transposition du modèle de DHNR que vous connaissez peut-être, à savoir un agrégateur d'informations à partir de sources choisies, non pas sur le thème général des digital humanities, mais sur la question de digital history, de l'histoire numérique. Donc tout ça reposant sur l'architecture Press Forward du Roy Rosenzweig CHNM. Je termine cette introduction en reprenant une suggestion de Frédéric, qui il y a quelque temps rappelait sur la liste Digital Humanities française qu'il y avait eu cette conférence à Luxembourg où la conférence d'ouverture, la keynote, était donnée par Peter Haber. C'était ici, vous avez les liens aussi en ligne. Il abordait un certain nombre de questions générales sous l'intitulé de Data Driven History. Et c'est le nom d'ailleurs d'une section du livre, et c'est une des questions centrales, sans aucun doute. J'avais la même impression quand j'avais écouté cette intervention, à savoir qu'il y avait beaucoup de questions générales, bon, c'est la vocation d'une keynote évidemment, hein, qui sont celles de notre moment. Bon, pour le dire très rapidement, le passage de la rareté à l'abondance, avec la question de savoir quelle nouvelle heuristique, c'est le terme qu'il emploie, on peut avoir pour les sciences historiques, ambitionner pour les sciences historiques. Et le corollaire, c'est quelles compétences pour l'historien. Et là, on retrouve toutes les questions souvent débattues. Doit-il programmer, connaître des bases de programmation pour collaborer, maîtriser les méthodes statistiques qu'il emploie, réaliser seul potentiellement les visualisations de ces données, etc. Donc la question des outils et des compétences. Mais surtout, il y a une chose que je veux retenir en transition vers le livre, c'est que dans cette conférence de 2012, il dit qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas pu intégrer au livre et qu'il aurait bien aimé intégrer, qui fait le cœur de la conférence, qu'il appelle une étude de cas imaginaire. Alors cette fiction, c'est comment réécrire sa thèse de doctorat 5 ou 10 ans après, avec la connaissance qu'il a maintenant des technologies. Et non pas simplement des logiciels qu'on lui fournit, mais des possibilités, même si on ne sait pas comment faire, on sait que c'est possible, en matière d'exploitation des données, d'analyse, déjà dès la collecte, d'analyse, et ensuite de présentation des résultats. Sa dissertation, donc sa thèse, portait sur un savant juif hongrois, dont le nom est à peu près Ignaz Goldziher. Ça donne plutôt Goldsius quand il le prononce, mais bon là je suis incompétent. Si quelqu'un connaît le hongrois mieux que moi, ce n'est pas difficile qu'il lève la main. Dissertation qu'il avait achevée en 2004, et un livre publié en 2006, tandis que le livre est de 2011. Et ce qu'il dit dans cette intervention, c'est qu'entre 2004, mettons, et 2011, il a lui-même fait cet énorme travail de synthèse, à son usage propre, d'abord, et en même temps, c'est la période de formation de la data-driven history, le moment où tout le monde devient conscient que les données sont disponibles, qu'il y a des façons de les exploiter, où tout s'organise et devient intégré davantage à de nouvelles méthodes de travail. Donc il évoque la façon dont il a collecté, analysé ces données, pour imaginer ce qu'il ferait en 2012, avec, comme je le disais, non pas seulement des outils, des méthodes, mais simplement l'idée d'affaire un certain type d'analyse. Donc il aurait écrit différemment sa dissertation, et il aurait aussi écrit différemment le livre de 2011, puisqu'il aurait aimé y introduire ce témoignage réflexif. Et c'est peut-être là aussi qu'on peut voir que le livre aurait été aussi très intéressant s'il y avait eu cette dimension un peu plus personnelle, peut-être, qui est très évidente dans l'intervention. Sa trajectoire me semble typique, parce que il est vraiment enraciné dans une spécialité. C'est un historien qui s'intéresse à une période, à un type de milieu et à une problématique assez bien connue, intégration sociale, culturelle d'une minorité. Et en même temps, à travers sa propre pratique, pour penser sa propre pratique et les changements survenus dans sa discipline, il en est venu à aller produire une synthèse sur les questions numériques en allant au-delà de son activité de blogueur, d'animateur, de liste de discussion, évidemment. Alors, les axes pour notre discussion, pour la présentation, ça correspond à peu près aux grandes parties du livre, et c'est ce que Mareike suggérait. Tout d'abord, la façon dont l'histoire, les sciences humaines se sont informatisées depuis les années 60. Alors là, ce sont des thèmes qu'on a déjà rencontrés, que vous devez nous dire en quelque sorte si vous intéresse particulièrement ici. Ce que Peter Haber introduit plus spécifiquement, à savoir les modifications de ce qu'il appelle l'ordre du savoir dans la discipline historique, avec une sorte de balancement entre quelque chose qu'il dénonce plutôt, qui est l'illusion de tout savoir, l'illusion d'omniscience ou d'accès à toute l'information, avec évidemment, je le dis tout de suite parce que c'est aussi quelque chose qui peut sembler évident maintenant, l'opposition entre cette information omniprésente et une connaissance ou un savoir qui demande une conscience, une élaboration. Il ne va pas jusqu'au cadre institutionnel de cette élaboration, mais c'est vraiment la distinction qu'il pose entre information, connaissance, savoir. Et puis, autre problème possible, la difficulté de s'orienter dans des systèmes de savoir qui ont des aspects nouveaux. Donc comment s'y retrouver, tout simplement. Donc ces changements de l'ordre du savoir, et enfin, plus concrètement, une question qui en dépend, les effets donc des technologies numériques et du web, puisque c'est quand même ce qui l'intéresse le plus dans ce livre, sur les pratiques actuelles de l'historien, que ce soit les pratiques potentielles qu'on imagine, les tendances, ou bien les dangers. Il y a aussi une dimension critique dans ce livre-là, elle n'est pas très prononcée, mais elle existe. Il montre bien que, avec une position assez nuancée, il ne s'agit évidemment pas de faire table rase, donc ça, on s'en doute bien, mais il s'agit aussi d'inventer des outils et des méthodes adaptées à de nouvelles données et de les intégrer à la méthode historique. Et pour ça, il part vraiment de la méthode historique telle qu'elle est définie en Allemagne au 19e et au tout début du 20e siècle. Donc, bénéfice potentiel, danger d'une digital history. Est-ce que sur Peter, sur cette conversation générale, tu veux ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais bien. Si je t'en prie. Donc, je suis très contente de participer à cette séance, qui est une séance d'hommage à Peter Haber, ce qui me fait beaucoup plaisir, parce que Peter Haber n'était pas seulement un collègue, mais c'était aussi un ami. Et donc, j'aimerais peut-être ajouter juste quelques mots personnels sur lui. Tu as déjà dit beaucoup sur ce qui était Peter Haber. Sur la question est-ce que son chemin était typique ou non, tu as mentionné donc sa thèse en 2004 sur un personnage, un juif hongrois. Lui aussi était juif hongrois, donc il a choisi son sujet par rapport à ça. Il était d'origine hongroise, il était suisse par nationalité, et c'était quelqu'un d'extrêmement doux. Comme peut-être les Suisses le sont en général. Donc si vous écoutez son intervention, c'est pas quelqu'un qui parle très, très vite. On a l'impression que c'est impossible de se disputer avec lui. peut-être juste aussi par rapport à ça, parce qu'il parle doux, il était très aimable, c'est quelqu'un de vraiment agréable à discuter, quelqu'un de très intelligent pour aborder des sujets d'une multitude possible. Et il aurait eu 50 ans, là, le 15 janvier de cette année, en 2014, donc il s'est éteint l'année dernière suite à un cancer. Donc vous le voyez ici, il est déjà très malade. Il avait cette maladie pendant de longues années, qui s'est battu contre cette maladie. Et je pense que le livre dont on parle aujourd'hui, donc c'est sa thèse d'habilitation. Donc dans le système germanophone, veut qu'on écrit deux thèses. Donc la première thèse, c'est pour obtenir le doctorat, et la deuxième, c'est pour avoir un poste en tant que professeur à une université allemande ou suisse, c'est la même chose. Et le système veut aussi qu'on change de sujet. En France, on approfondit plutôt un sujet, le sujet de sa thèse, on va l'approfondir pour devenir spécialiste. En Allemagne, c'est pas possible. Si on reste avec le même sujet, on va vous reprocher que vous n'êtes pas assez large dans vos intérêts. Et ici, en France, il faut devenir spécialiste. Donc, ce qu'il a fait, Peter Haber, il a complètement changé le sujet. Un sujet qui lui était proche déjà. Tu l'as mentionné, qu'il a, avec Jan Wohl, son collègue et ami et assistant, fondé donc HisNet en 1999. Le blog, il vient plus tard. En fait, il vient en 2005, donc ce n'est pas le plus ancien, mais ça c'est juste un détail. Donc c'est quelque chose méthodologiquement dont il a déjà utilisé, il en fait un sujet. Et ça c'est vraiment, c'est un sujet remarquable pour une thèse d'habilitation, en tout cas dans le monde germanique. Ce qui montre aussi que le sujet en soi a gagné en importance. Mais c'est très très rare que quelqu'un écrit un sujet, une thèse d'habilitation sur le digital past. Et il a peut-être aussi payé cher cet intérêt, parce qu'il n'a jamais eu un poste en tant que professeur. Il était ce qu'on nous appelle Privatdozent, donc il a fait son habilitation, mais sans avoir un poste. Voilà, donc c'est remarquable, juste rien que pour ça, de choisir ce sujet, d'écrire un livre. Ce livre aussi, elle est très courte pour une habilitation. Je pense qu'en France, c'est la même chose. Hein. C'est plutôt 700 pages que 150 ou 172. Donc, tu l'as mentionné, tu as parlé du public, du livre. Et donc, le livre, en première apparence, c'est un livre qui est un livre scientifique pour obtenir la thèse d'habilitation, mais quand on le lit, c'est vrai que c'est un livre qui peut être lu facilement par à peu près tout le monde, qui est facile à lire dans une certaine façon. Juste une question. Oui. On présente le livre imprimé à l'habilitation ou il y a quand même une période de retravail? Et il y a une période de retravail, oui. On n'est pas obligé de le publier. La thèse, il faut la publier en Allemagne en tout cas, sinon on ne peut pas... On peut pas avoir un poste, en fait. Il faut le publier. Le livre, là, il faut pas le publier, mais je pense... Donc, il était soutenu en 2010. Enfin, on fait pas une soutenance, on le présente. En 2010, et en 2011, il a publié dans le Oldenburg Verlag, avec qui il travaillait déjà. Mais la thèse, elle est à peu près... C'est la même chose, hein. C'est pas un exemplaire plus court. C'est ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Peut-être en général, on va parler du livre à partir de maintenant. Tu vas présenter le contenu de ce livre, à peu près. Voilà, jusqu'au sommaire. Ok. Donc, voilà, peut-être. Tout simplement afficher le sommaire. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette introduction? Allez, j'enlève le sommaire. Je vous remets tout de suite. Mais est-ce qu'il y a des points qui... Oui, j'ai une petite question. Bien sûr. Il dit, dans le papier de présentation, qu'en fait, sa conclusion était qu'on était pris entre l'impression de tout savoir, et la difficulté à s'orienter avec les méthodes nouvelles. Est-ce qu'un historien peut avoir l'impression de tout savoir? Étant donné que les archives... Les dates même des archives montrent que c'est... Bien sûr. Donc, Alors, c'est quelqu'un qui a passé des heures et des heures à dépouiller des archives illisibles, il le raconte lui-même, donc il ne peut qu'être très conscient de ce problème-là. À mon avis, la question doit être posée différemment. La question est, étant donné l'écosystème informationnel numérique, l'histoire ne se transforme-t-elle pas et l'historien n'est-il pas forcément en dialogue aussi avec les citoyens qui, eux, peuvent, en allant sur Google, nécessairement avoir l'impression de faire de l'histoire éventuellement, mais aussi contribuer au travail de l'histoire. Et à partir de là, l'historien étant lui-même un citoyen, il y a une question qui est plus large. L'historien lui-même ne peut pas se contenter de dire « je sais que je ne peux pas tout savoir » parce que d'autres peuvent penser tout savoir, et surtout parce que, de fait, de plus en plus de choses que l'historien lui-même n'aurait pas cru pouvoir utiliser se trouvent tout simplement en ligne pour qui le veut. Vous voyez de quelle manière je déplace la question. Mais il n'y a pas de naïveté du tout dans son propos. Le chapitre où il parle de cette illusion, c'est le chapitre sur Google, voilà. Mais il parle plutôt du fantasme de tout savoir. Et oui. C'est un fantasme qui revive avec l'Internet, un fantasme de la bibliothèque d'Alexandrie. Il dénomme ça comme un choc, que la bibliothèque a brûlé, donc la bibliothèque d'Alexandrie qui est aussi imaginée comme un lieu de tout savoir, qui est brûlé, qui n'existe plus. Et donc avec l'Internet, il dit que cette idée revient, notamment grâce à Wikipédia, qui dit même, nous, il y avait cette fameuse, l'entête de Wikipédia qui dit on collectionne tout, tout le savoir du monde, même le tien, ou aussi le tien. Ça, il interprète, il dit que ça veut dire que déjà il y a un nous, donc pour dire qu'il y a une certaine confiance, nous on collectionne le tout savoir, donc ça c'est le fantasme de, que c'est possible, et aussi le tien, donc ça veut dire que tout le monde est impliqué. Je pense, si je puis me permettre, même si dans le livre est paru trop tôt pour qu'il en parle, il y a eu dans Science, si je me souviens bien, un article qui est sorti avec Google Ngrams de Google Books, donc une manière d'analyser la récurrence des mots sur des millions de livres. Les auteurs prétendaient en fait faire des études culturelles objectives. Culturomique. Voilà, c'est ça. Et cet article est ridicule. Je ne sais même pas comment ils ont réussi à le publier, tellement il défie toutes les bases de la méthodologie, de la sociologie, de l'histoire, enfin des sciences humaines et sociales de manière générale, sans apporter quoi que ce soit. C'est bien, on a des graphes sachant que tel mot ou tel autre mot a été plus utilisé que tel autre. Sur une base de données qui a été constituée, enfin on ne sait pas comment, etc. Enfin, on ne sait pas comment elle a été constituée. Je pense que c'est ce genre de fantasme dont on parle. Fantasme puissant, parce que ça veut dire que ce sont des ingénieurs polytechniciens travaillant chez Google qui peuvent, dans une grande conférence internationale et dans un journal, dans une revue de référence, publier quelque chose qui se prend comme une nouvelle discipline à partir des données qui parleraient d'elles-mêmes d'un certain point. Donc le fantasme, effectivement, il est enraciné pas seulement dans le grand public qui n'existe pas, mais aussi dans d'autres disciplines qui sont plus puissantes et chez des acteurs du numérique qui sont autrement plus puissants que les universitaires. Moi, je peux juste revenir sur un point, parce que tu dis qu'il n'a jamais eu son poste de professeur. Mais par ailleurs, tu dis qu'en fait, il a présenté sa thèse d'habilitation en 2010. C'est peut-être court, tu le dis. Oui, je ne sais pas, parce que quelles sont les mœurs sur la matière? Est-ce que ça signifie en général qu'on a un poste tout de suite, ou est-ce qu'on attend plusieurs années? C'est important de le savoir. Bah lui, c'est au niveau des universités, mais lui était en Suisse. Je pense qu'il y a deux choses à répondre là-dessus. Premièrement, la thèse d'habilitation, la façon comment elle est faite, c'est différent. Donc il n'y a plus de soutenance, ou il y a une jury qui va dire que c'est bon, avec félicitations, ou je sais pas quoi, avec des notes, c'est soit on passe, soit on passe pas, okay. En pressant, donc on fait juste un discours. Et ça veut que beaucoup de gens ne terminent pas leur thèse d'habilitation, ou prennent du temps. Il n'y a pas de poste qui est sur le marché. Je ne veux pas dire qu'il n'était pas choisi, ça veut dire qu'il n'y avait pas de poste pour ce genre de profil. Ah, ok. Ah. Et de sujet, donc, aussi. Voilà. Donc, il n'y avait pas de poste, il aurait peut-être pu terminer sa thèse d'habilitation plus tôt, mais il n'y avait pas de poste. Un des premiers postes qui s'est présenté, c'était à Luxembourg, donc qui était dessiné plus ou moins pour lui, parce qu'il était historien et en humanitisme, mais là, il était déjà trop malade. Ah d'accord, il y a quand même eu un poste qui s'est présenté, donc qui était profilé pour lui en 2012. Mais à Luxembourg. Il n'a pas pu. Parce que comme il est suisse, il parlait français, il parlait allemand, il parlait anglais, il était... Il aurait pu avoir ce poste-là. À l'université de Luxembourg, c'est ça? C'est ça. Et voilà, donc c'est vrai qu'entre l'acceptation et sa mort, il n'y avait que 3 ans. Mais je pense qu'il n'a pas fini plus tôt parce qu'il n'y avait pas de poste qui se présente. D'accord. Je me suis aussi demandé s'il était très attaché à Bâle, parce qu'il a toujours enseigné à l'université de Bâle, un peu à Berne aussi, j'ai vu. Et il est né à Bâle, en fait. Donc est-ce que c'est vraiment une volonté d'y rester autant que possible? Oui, parce qu'il y avait sa famille, il y a deux fils. Donc, Le sommaire. Si vous le voulez bien. Alors voilà, les sections, ce que j'ai appelé un panorama tout à l'heure. Le plus simple est sans doute de prendre dans l'ordre, mais surtout de ne pas vous noyer de détails sur ce qu'il dit dans chaque section, et donc le plus possible que nous puissions dialoguer pour avoir vraiment des points d'accroche sur certains thèmes. Je commence tout de même par l'avant-propos, vous allez voir pourquoi. C'est là qu'il mentionne le rôle préparatoire de son blog, où il dit qu'il a publié plus de 500 billets entre la fin de l'année 2006, septembre 2006, dit-il, et puis la forme finale du livre. Donc il a vraiment joué ce jeu-là, à son propre usage et avec un certain nombre de commentaires et de dialogues. Il ajoute quelque chose, c'est pour ça que cet avant-propos est intéressant, sur la méthode proprement, sur sa... non pas ses principes, mais sur la façon tout à fait pratique dont il a procédé. Il dit que la téléphonie par Internet, donc la visioconférence, j'imagine, notamment, lui a donné la possibilité de discuter avec des collègues, bien plus qu'il n'avait fait avant, et plus qu'il n'aurait fait, évidemment, à une autre époque. Et surtout, il le mentionne, de consulter les mêmes documents tout en parlant, en ligne. C'est une phrase dans l'avant-propos, mais ça me semble très intéressant parce que c'est le genre de document, de témoignage qu'on ne trouve pas habituellement dans un ouvrage. Et puis, troisième élément qu'il donne sur la genèse, d'ordre technique, je dirais, qu'il a constitué une base de données personnelles de 1500 documents. Alors, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu? On n'en sait rien, puisqu'on ne connaît pas la nature des documents. Nous avons tous des centaines et des milliers de fichiers dans nos ordinateurs. Mais c'est la base de documents qu'il utilisait pour son livre. Et comme le livre est véritablement très vaste, ça devait couvrir tous les domaines qu'il évoque. Et je dirais que mon commentaire sur cela, c'est que c'est plus explicite que ce que l'on trouve actuellement dans l'introduction d'un livre. Et qu'en même temps, on se demande vraiment quels sont les types de documents qu'il a utilisés, comment il les a traités, comment il les a recueillis. Et finalement, cette allusion là dans l'avant-propos rend encore plus curieux. Comme je le disais, s'il y avait eu cette dimension réflexive plus développée, j'aurais trouvé ça extrêmement intéressant. Mais je suis en train de parler d'un autre livre, un livre imaginé aussi, et puis sans doute pas d'une habilitation, comme Michael rappelait. Donc, c'est une simple remarque. Il commence en français par les préludes et puis il termine avec une affaire à suivre. Donc là c'est encore le suisse et le francophile qui parlent. Il ne dit pas pourquoi. Effectivement, la notion de prélude est intéressante. Tout ce premier chapitre parle de la préhistoire. Il insiste sur l'idée qu'il faut une préhistoire ou une Vorgeschichte. Donc c'est pas non plus la préhistoire des hommes préhistoriques pour nous, mais c'est tout ce que l'on ne fait pas assez quand on ne remonte pas au-delà de l'apparition du web ou du logiciel qu'on utilise pour tel projet, etc. Donc c'est le moins qu'on puisse attendre d'un historien, mais il le fait de manière très construite, avec des références, et il esquisse lui-même cette préhistoire, cette proto-histoire, cette histoire d'avant le début de son propos. Ce qu'il donne comme information est très représentatif, très intéressant, et en même temps, c'est un point que j'ai déjà mentionné, très régional. Certains points de vue. C'est-à-dire que la façon dont il le fait n'est pas ce que l'on trouve dans d'autres panoramas et n'est pas ce que l'on trouve dans les handbooks ou le Companion de 2004 en anglais. Ce ne sont pas les références canoniques et ce sont le plus souvent des références germanophones. Encore une fois, l'orientation initiale du texte est sans doute en cause. L'université s'attend aussi à ce que l'on discute les universitaires du lieu et c'est tout à fait légitime aussi parce que si on ne fait pas l'histoire de sa propre discipline et si on ne discute pas avec les gens qui écrivent dans les mêmes langues, eh bien personne ne le fera. Mais comme je le disais, c'est principalement fondé sur la bibliographie allemande jusqu'à ce qu'on pourrait considérer comme d'énormes lacunes du domaine anglophone dans cette partie-là, qui n'en sont pas parce que le contenu, ma foi, n'est pas si différent. Le problème n'est pas là. Et par ailleurs, j'ai trouvé ça passionnant pour moi. Par exemple, le cadre historiographique général qu'il a pour l'histoire de l'informatique dans ses rapports avec les sciences humaines et sociales, c'est le cadre donné par Manfred Thaler, ce qui est tout à fait intéressant parce que d'autres ne l'utilisent pas, qui divise en plusieurs périodes. Oui, je redirai ça dans un instant. Et puis, il évoque des projets allemands ou bien des projets germanophones qui ont très souvent été vraiment importants. En général, on connaît Two-Step pour le travail avec les textes, on connaît Clio, plus ou moins. Mais par exemple, un projet qui n'a pas beaucoup, qui n'a pas donné grand résultat ensuite, qui s'appelait Historical Workstation Project, international avec aussi Pise, Londres, mais qui était surtout une collaboration, un réseau allemand. Était un développement à partir de Clio, toujours avec Manfred Thaler, et qui visait à donner, juste avant l'apparition du web, tous les outils dont il pouvait avoir besoin à l'historien. Et puis le web arrive, et ce projet-là de centraliser dans un outil qui fait le pont entre les différentes données dont on peut avoir besoin, eh bien, il devient pas forcément obsolète, mais il semble perdre sa pertinence tout de suite. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ce genre de référence. À la fois, on se dit c'est très très précis et ça concerne beaucoup plus le monde germanophone, et en même temps, ça fait beaucoup réfléchir. Mmh. Donc je trouve ça très bien. Juste oui. pour ajouter, c'est vrai, je me suis posé la même question parce que dans le titre, ils disent Digital Past, Geschichtswissenschaft im digitalen Zeitalter, donc c'est pas mentionné en Allemagne ou dans le monde germanophone. Mmh. Donc c'est vrai, on peut se poser la question est-ce que. Il parle surtout de projets allemands. Alors, il aurait pu le mettre dans le titre. Mais même en ce qui concerne les projets allemands, il y a des lacunes qu'il faut signaler. Tu as déjà parlé de Hazard zum Kult, la liste de diffusion, qui est basée sur les listes de HNET, qui était peut-être plus connue, enfin qui est surtout connue dans le monde anglo-américain, mais aussi, je pense, en France. Donc c'était l'idée qui était prise. Pour l'Allemagne, et lui, tu l'avais dit, il était rédacteur, mais jusqu'à la fin de sa vie, il était dans le conseil scientifique de Hazard zum Kult, qui était créé à Berlin dans l'université de Humboldt, et qui connaît l'Allemagne, il sait que c'est un pays fédéral, il y a donc Berlin, les anciens Prussiens, et il y a la Bavière, avec le centre de Munich, où il y avait aussi pas mal de projets qui étaient fondés, et dont il ne mentionne aucun. Il y a cette concurrence entre Berlin et Munich, je ne sais pas si c'est connu en France, que ça existe toujours, qu'elle est toujours très forte, qui n'est pas à l'avantage du paysage documentaire, on va dire, de l'Allemagne. Parfois, en regardant la France, ce qui est un pays avec un centre, je sais que parfois vous vous plaignez de ça, mais c'est parfois plus facile à établir des structures fortes au lieu de recréer les mêmes structures un peu partout. Donc là, Peter, il ne parle pas du tout de Munich, de Historicumnet, par exemple, qui est un projet avec beaucoup d'influence sur les historiens allemands. Historicumnet, donc une des premières bibliothèques virtuelles pour les historiens, ou C.Punkt ou d'autres. Donc ça, il laisse complètement dans l'ombre. Et tu avais mentionné tout à l'heure aussi que quand on a créé la plateforme germanophone de hypothèses.org, donc des hypothèses.org, Peter Haber était un des premiers qui a suggéré de faire ce projet avec Pierre Mounier. Et ce qui est important pour nous, c'est notamment d'avoir des personnages un peu partout de l'Allemagne pour éviter de rentrer dans une fossée qui, petit à petit, est en train de s'effacer. Mais du coup, tu expliques pas pourquoi, oui. Voilà. Pourquoi il ne cite pas du tout Munich alors. Ah ben, je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé. Ouais. Je pense que c'est à cause de cette concurrence hein, qu'il n'en parle pas. Je peux pas, je n'ai pas d'explication pour ça. Il y a eu en France pendant longtemps une tradition où la géographie limitait l'histoire, c'est-à-dire on faisait des monographies régionales ou locales. La thèse, c'était souvent une monographie locale, ce qui était une manière de cerner le sujet et de dire ben là-dessus, je dirais tout, mais je suis incapable de faire la même chose sur toute la France. Donc, avant le regain de la global history, d'une certaine manière, il y avait l'historien se débrouillait pour délimiter son sujet en délimitant un peu le territoire de son sujet, ce qui est une manière épistémologiquement intéressante de faire. Sur ce sujet-là, je peux relativement dire beaucoup de choses. Sur plus large, je n'y arriverai pas, je ne maîtriserai pas. Je ne sais pas. Voilà, j'ai pas de réponse. Je pourrais lui demander, il aurait peut-être dit oui, il faut bien choisir, il y a trop de projets. Mmh. Mais bon, on ne va pas faire de la géographie ici. Mmh. Peut-être il a fait aussi tout simplement parce qu'il était dans l'autre camp, on va dire. Et donc il parle pas de historique comme on dit. Par contre, après, il parle de. Tu as mentionné Manfred Thaler, donc c'est vraiment un des personnages les plus importants pour l'histoire numérique en Allemagne. Et puis c'est un professeur qui est maintenant émérite. Professeur émérite qui avait donc le chaire à l'Université de Cologne, et même dans les années 70, il y avait déjà une chaire pour l'histoire numérique, donc très très très tôt. Ça c'est très intéressant parce qu'il explique comment c'était fait. Et, je trouve ça remarquable que même dans les années 70, ça existait déjà. Il parle très longuement du Historical Workstation Project que tu as mentionné aussi, qui est vraiment très intéressant parce que un projet très, très visionnaire, très, très moderne, où ils anticipent un tout petit peu l'Internet. Mais tu as dit qu'il devient obsolète avec l'Internet, mais je pense que pour les personnes qui ont mené à bien ces projets ou pas à bien, c'est un projet échoué. C'est vraiment, on avait une idée très moderne, très vaste, et qu'ils arrivent peut-être trop avancés, ils n'arrivent pas donc à finir ce projet. Donc c'est vraiment, c'est considéré comme un projet échoué. Et ça repose aussi sur un principe de fédération. Beaucoup entre universités allemandes qui n'étaient pas seulement en train de collaborer, mais qui étaient responsables de pôles, de parties du projet. Plus le traitement statistique, plus l'interface, plus tel ou tel aspect, c'est ce qui rend forcément plus difficile aussi la jonction. Mais du coup, vous nous alléchez, c'est-à-dire vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est que ce projet, qu'est-ce que c'était que ce projet exactement en fait. C'est une plateforme intégrée, il n'y a pas de description de l'état final du projet, il n'a pas été réalisé. Oui, c'est sur la page 20-21, il dresse une petite liste de ce que... Ça aurait pu être. Donc c'est dans les années, on est au début des années 80. Hein, d'accord. Tout tôt. Et donc c'est un poste de travail intégré. Donc déjà à la base il y a un logiciel pour des bases de données qui permet de transformer des sources historiques en bases de données. D'accord. Donc ça c'est une bonne idée. Donc après, on a un accès à des encyclopédies et des autres ouvrages de référence. Donc l'Internet n'existait pas encore, mais donc, l'idée était d'accéder, sans l'idée qu'il va y avoir l'Internet, d'accéder à des encyclopédies, des lexiques, d'autres bases de données. Dans un poste de travail, oui. Ah, oui. Oui, c'était le premier ordinateur avec IBM était déjà sorti, donc c'est basé sur cette idée. Il y a un poste de travail qui est connecté, qui permet de faire ce genre de choses. Donc oui, l'accès à des bases de données, mais aussi la possibilité d'interagir avec d'autres ordinateurs ou d'autres personnes. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? C'est celle de oui, desktop publishing, interface entre bases de données et le desktop publishing. Il mentionne aussi des systèmes experts et l'utilisation des acquis de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est l'époque où c'est là. Et c'est une sorte de MEMEX disciplinaire, je dirais, tu vois, plus standardisé. Qui n'est pas fait seulement pour la gestion des données du chercheur, mais qui prévoit aussi quels besoins peut avoir en matière de stockage, de conversion, de référence, le chercheur historien. Mais c'est très avec un programme de statistiques aussi. Voilà. Il y a une description en ligne sur la colonne, je l'ai mise sur Twitter. En gros, c'était l'abstract, enfin, la description en question, dit d'abord des logiciels dont le choix est fait en développement et vient une analyse détaillée de tout ce qui différencie l'information historique d'une information contemporaine. B, les bases de données. Et C, des bases de connaissances qui font le lien entre qui permettent de transformer les bases de données en connaissances historiques. En fait, je ne sais pas très bien comment il le ce que ça signifie concrètement, mais il y a une description sur le web. Tout ça vient en fait des textes de Thaler, qui cite. Il y a les références et c'est plus détaillé après chez Thaler. Et c'est vrai, il y avait des instituts Max Planck qui étaient impliqués, donc c'est une fondation avec plusieurs instituts de recherche, de plus importants en Allemagne, les instituts Max Planck. Alors principalement, en fait, la description, ça vient d'un article de Thaler qui est dans Computers and the Humanities, qui était donc CHUM, la première grande revue pour les humanités numériques, et qui s'appelait The Historical Workstation Project, donc présenté, c'est un article de 13 pages en 91. Et il y a un autre article qu'il cite plus particulièrement qui pose une question intéressante, qui est: y a-t-il un traitement des données spécifique au domaine de l'histoire? Donc c'était aussi une réflexion en même temps qu'il y avait une construction d'un outil. Juste pour faire une remarque, ce truc je trouve particulièrement intéressant parce qu'il me semble qu'à la même époque en France il y avait un certain nombre de projets autour de la notion de poste de lecture assisté par ordinateur. Qui ressemble fortement, mais qui n'était pas porté par les historiens, si je ne me trompe pas, mais plutôt par les littéraires, philologues, linguistes. Et du coup, il y a une piste à explorer de comparaison là. Il y avait des philosophes aussi. Des philosophes, exactement. Oui. Mais c'était pour les chercheurs, mais c'était très généraliste en fait ce projet-là, je crois. Ben, je sais pas. Là, faudrait creuser pour voir justement s'il n'y a pas une histoire parallèle qui s'établit dans les deux pays, mais sur des bases légèrement différentes. Différent, oui. Parce que ça partait de la BNF. Oui, ça partait de la BNF. Oui, mais il y avait des labos linguistiques qui étaient impliqués. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, parce que c'est la fin de son chapitre, ils disent que même avec le World Wide Web, aujourd'hui, cette question est toujours d'actualité, et d'avoir donc un poste de travail à peu près qui est adapté aux besoins d'une discipline. Oui. C'est intéressant comme thèse, parce que maintenant on a donc l'Internet, tout est possible, que ça reste. Ce serait l'idée qu'après toute une période d'enthousiasme, de développement de l'accès ouvert à l'information en ligne, plus ou moins ouvert, il y aurait simplement le constat que le portail disciplinaire a encore un sens. Oui, c'est ça. Pas forcément l'outil, mais à titre de portail, de moyen d'information, de canal d'information. Ce qui est très cohérent avec son activité d'animation d'une communauté et avec la question de l'histoire numérique plus précisément abordée. Pour le reste du chapitre, de cette préhistoire, je disais qu'il n'y avait rien qui pouvait étonner quelqu'un qui s'était un peu renseigné. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit que ce qu'on a appelé à partir des années 60 Humanist Computing a deux grandes branches et qu'elles sont toutes les deux intéressantes pour l'histoire. Là, il le rapproche de sa propre préoccupation, à savoir une branche qui est plus textuelle, philologique, donc ça on connaît bien, et puis une branche qui est celle de l'histoire quantitative, qu'on oubliait parfois de bien étudier dans les humanités numériques, et là il cite les annales, et donc le traitement des données sérielles. Et les trois époques de Thaler, puisque j'en parlais aussi, il donne des exemples plutôt génériques, plutôt que spécifiques à l'histoire. Ce serait tout d'abord des logiciels qui sont spécifiques au projet de recherche, nécessairement quand les ordinateurs sont des salles entières, ou en tout cas extrêmement coûteux. Des logiciels génériques qui sont commerciaux, qui sont libres, donc TwoStep, on en a parlé pour les textes, mais SPSS, c'est l'exemple qu'il donne pour les sciences sociales. Et puis une troisième époque, celle de l'ordinateur personnel. Et effectivement, le chapitre s'arrête là, et c'est un peu l'Internet arriva, la fin du chapitre. C'est quand même la grande césure. Il y a quand même une partie qui est relativement originale, qui est sur la partie de l'histoire quantitative, qui en fait est très importante parce que les linguistes pour les textes ce que les annales ont fait pour l'histoire. C'est-à-dire que les linguistes, ils ne regardent pas tant ce qu'a fait Buza. C'est souvent l'histoire classique. Il y a eu Buza et ensuite il y a eu tous les enfants de Buza. Ils ne regardent pas Buza, hein. Ils regardent les économistes, et notamment l'économétrie. C'est ce que les annales ont fait aussi. Et d'une manière très différente, la New Economic History à New York. Et ce point-là, dans le canon historique des humanités numériques, il n'est pas souvent cité. Parce que ce n'est pas la tradition anglophone, je crois que c'est aussi simple. Non, mais le canon anglophone est d'omettre ça. Voilà. D'accord. Lui, il commence vraiment là. Très bien, il insiste plus, si mes souvenirs sont bons, sur la New Economic History, donc sur la géométrie, sur vraiment les modèles économiques appliqués à l'histoire, plutôt que sur le traitement des grandes séries statistiques et la tradition des annales. Il cite les deux, dans mes souvenirs, il insiste plus sur la première. C'est deux usages différents. Et ça c'est original du reste. Réintroduire la dimension les travaux économiques, ça c'est très original. C'est rapide, mais c'est pas quelque chose qui est fait. Et quand on regarde justement, quand on regarde sur Google Ngram, Humanities Computing, etc., et qu'ensuite on va voir dans Google Books à quel livre ça fait référence, on voit pas tant Buza que les économistes, même chez les linguistes. C'est eux qui sont cités. Juste une chose sur ce que tu dis, qui est tout à fait juste. Il faudrait distinguer, tu vois bien le problème pour les économistes. Quand tu dis les linguistes, Buza, c'est pas du tout aussi simple. Lui, il se réfère à des philologues, là, pas à des linguistes. Oui, c'est pas pareil. L'idée, c'est le travail avec les textes. Oui. Et les premiers travaux, Buza compris, c'est pas de la linguistique, c'est de la philologie, c'est de la préparation de concordance et de l'analyse pour retrouver les contextes et faire d'une analyse sémantique plus classique, éventuellement après. Donc la linguistique manque en un sens dans son panorama de ce point de vue-là. On pourrait aussi la réintégrer. Évidemment, on est plus intelligent à partir de 3, 4, et donc on finit même par trouver des lacunes quand le panorama est excellent. C'est formidable. Je crois qu'il y a beaucoup moins de choses à dire sur le chapitre... j'ai réussi à sauter Das Internet der Geschichte, qui est quand même intéressant, mais juste pour en dire un mot, c'est le chapitre d'introduction où il insère la pratique des historiens, je dirais, dans l'histoire des pratiques communes. Ce qui est quelque chose d'important à faire. Là, explicitement, il dit les historiens ont subi les mêmes transformations de mode de traitement, d'accès à l'information. Par conséquent, il faut parler de l'Internet. C'est là qu'il parle de ce choc initial, tu l'as mentionné, le choc de Spoutnik. Il a quelques types de sections ou types de chapitres un peu choc, comme ça, assez amusant ou suggestif. Donc le Spoutnik choc, c'est sa formule, qui donne lieu à un choc initial, donc une sorte d'étonnement de la communauté historique, historienne, et puis une période de latence. Donc il ne le dit pas comme ça, mais c'est en quelque sorte le modèle. Avec ce qu'il appelle une nouvelle république des lettres, correspondance, publication, facilité par l'Internet. Donc ça, il en était partie prenante, comme on l'a vu. Et puis, il termine sur la constitution des catalogues de bibliothèques en ligne, qui, comme il le rappelle, était le premier contact avec des ressources numériques, et donc avec les technologies informatiques en général, après l'utilisation de l'ordinateur comme machine à écrire, qui a été l'autre grande révolution pour tout historien dans les années 90. Le Spoutnik Shock, je pense qu'il a sa place. Enfin, il revient deux fois au moins. Oui, c'est vrai. Il revient une deuxième fois dans le chapitre sur le changement de Google Syndrome et comment chercher. Et il raconte l'histoire que les Américains ont mis 2 ans à déchiffrer les signaux du Spoutnik pour savoir qu'est-ce qu'ils aimaient. Et donc ils mettent 2 ans pour déchiffrer, et puis ils se rendent compte que en fait les Russes eux-mêmes avaient déjà publié le code 2 ans avant dans un journal qui était régulièrement lu et traduit en anglais. Donc en fait ils ont perdu 2 ans, et c'est le fameux rapport Weinberg qui en suit pour dire que l'information retrieval, ce qu'ils appellent l'information retrieval, donc de retrouver l'information qui est stockée quelque part, est tellement important qu'il nous faut des ingénieurs qui ne font que ça, qui arrêtent la recherche et qui ne font que chercher l'information qui existe déjà quelque part. Ça, c'est le fameux choc de Spoutnik. Ce qui introduit la question de la latence, le temps pour assimiler, et puis aussi la question simplement du manque d'information, aussi la question de la rivalité, mais c'est pas tellement ce qu'il voulait dire là, je crois. Non, c'est juste que c'est ce que ça a révélé, c'est là, ils travaillent 2 ans sur quelque chose qui existe déjà. Donc, c'est même le historical workstation, peut-être il y avait des projets en parallèle, enfin certainement entre la France et l'Allemagne. Donc c'est du sujet à examiner. Comment l'information disponible n'est pas présente, n'est pas disponible, quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a un thème beaucoup plus important dans ce qu'il appelle ordre et désordre. Donc, ordre et désordre, archives et oubli. Alors c'est là qu'on arrive à ces questions que j'évoquais un peu en introduction et que je disais presque devenues banales. C'est pas pour ça qu'elles ne sont pas importantes. Bien sûr, elles sont absolument essentielles. C'est là qu'il introduit la distinction entre information et connaissance, avec une information accompagnée de conscience, accompagnée d'un savoir réflexif, et tout simplement il propose de réfléchir à ces slogans successifs de société de l'information et puis de société de la connaissance, qui nécessairement sont particulièrement pertinentes pour des historiens. Tu dis pas savoir. Parce que c'est Wissen, information et Wissen. Ouais, je crois que... Est-ce que quelqu'un se souvient comment ça s'appelait? Qu'il y avait un rapport de l'UNESCO qui avait été assez emblématique de tout ça. J'ai l'impression qu'il disait connaissance, mais... Normalement, c'est très clair, c'est information et information und Wissen. Oui. Et vous avez un mot pour connaissance, du coup? Kenntnis, oui, c'est beaucoup moins fort. Ouais. Là, j'ai pas d'avis précis. En français, moi, je dirais connaissance. Ouais, je crois qu'on a surtout dit connaissance. Non, jamais c'est du savoir. Ça arrive, on dit savoir, mais c'est sûr. Je crois que c'était... Ouais. Non, c'est pas dans les titres, mais je crois que dans mes notes, j'avais traduit société du savoir, je me suis dit, ça marche pas. Et... mais ce serait intéressant de regarder les sources. Souvent, société de la connaissance, parce que ce n'est pas la société du savoir. Oui, quand c'est lié à la société. Ouais. En fait, UNESCO utilise les deux, mais le rapport dont tu parles, ça va être vers les sociétés du savoir. Du savoir. Et ils utilisent dans d'autres documents le terme connaissance aussi, apparemment. Mais ça ne m'étonne pas, Mais dans le titre. Alors ces ordres en question, ça fait penser à plein de choses, comme il cite Foucault souvent, et beaucoup d'autres, et que c'est aussi la question véritablement de l'ordre et donc du lien entre des éléments. Le terme est très général, il n'y a pas un cadre de référence unique quand il parle d'ordre, mais il utilise les travaux d'un chercheur que je ne connaissais pas, qui s'appelle David Weinberger, ou Weinberger d'ailleurs. J'ai vu des publications allemandes. Est-ce que tu connais ça? Oui. Il écrit des films avec Woody Allen. C'est un comédien à la fois. D'accord. Donc c'est un scientifique d'une certaine façon, mais c'est pas vraiment. Il fait pas que ça. D'accord. Vous avez jamais entendu David Weinberg? Et non, pour moi, quand on regarde les films de Woody Allen, c'est le script fait par Woody Allen et David Weinberg. Mais est-ce que c'est pas lui qui a rédigé le Clue Train Manifesto? Il y a un David Weinberger qui a rédigé un Clue Train Manifesto. Oui. Clue Train Manifesto. Clue, ouais. Bon. Et son livre, c'est Everything is Miscellaneous. Il a été traduit en allemand. Das Ende der Schublade. Je n'ai pas trouvé une version française. Et quel est le rapport avec Peter Haber et l'histoire? Parce qu'il fait référence à son livre. Il a écrit ce livre, donc Everything is Miscellaneous, en 2007, où il explique la différence entre l'ordre dans un monde analogue et l'ordre dans le monde numérique. Donc il prend l'exemple d'une bibliothèque, il dit, dans le monde analogue, chaque objet a sa place, et une place unique. Donc le livre, je le mets sur l'étagère, et il est placé une seule fois. Il n'y a pas d'autre possibilité. Tandis que dans le monde numérique, et d'ailleurs je ne suis pas sûre que sa thèse est valable, mais il dit dans le monde numérique, les objets ont des places différentes. On peut faire des liens, on peut les classer dans différents classements. Mais en même temps, il parle aussi des catalogues des bibliothèques. Ça, c'est ça les trois ordres pour lui, c'est les objets, les catalogues et puis les bits. Les library bits, l'information sous forme numérique, proprement. Et pour moi, comme c'était une référence allemande et que je n'ai pas eu le temps de regarder plus précisément, je voulais te demander justement ce que c'est. Donc en fait, c'est un point d'accroche intéressant pour lui, mais derrière, il n'y a pas vraiment une tradition. D'accord. En tout cas, l'intérêt de ça, c'est... Alors, ce Weinberger parle de la puissance du désordre numérique, avec l'idée que c'est une étape la troisième étape, après objet catalogue, où on a à la fois un désordre et des liens possibles. Donc des connexions, des reconnexions, des reconfigurations. Mais ça lui permet d'insister sur la matérialité de tout cela. Ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, il développe à propos de matérialité, vers la fin du chapitre, l'exemple de Wikipédia. C'est là qu'il le développe beaucoup, pour dire que, d'une formule, que Wikipédia est au média web ce que l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert était pour l'imprimé. Donc il a une façon d'argumenter qui est intéressante, en rappelant quelle est la structure d'un article de l'encyclopédie, comment il y avait ces modes de référence avec des mots-clés, des renvois. Et c'est là qu'il parle de Wikipédia et qu'il réfléchit aux liens, aux hyperliens qu'il évoque à différents endroits. Par ailleurs, ils disent que donc Wiki, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire Wiki, c'est hawaïen pour dire vite, donc Wiki. Donc ça c'est le rêve donc d'accéder rapidement Wiki et sans frais, donc open access, que ça ne coûte rien, c'est gratuitement. Et ils disent aussi que ce qui est important, c'est peut-être moins les contenus de Wikipédia, parce que ça ressemble à une encyclopédie comme on le connaît, avec des articles et des liens qui renvoient à un autre article, mais plutôt la façon dont les contenus sont créés et comment le savoir, l'information est traitée. Donc, il y a des versions différentes de l'article qu'on peut donc, analyser. Donc c'est une source idéale pour voir comment une image, comment on dit, Geschichtsbild, oui, comment l'histoire, ou la façon comment on perçoit l'histoire évolue au fil du temps. La perception de l'histoire. À travers ces versions, à travers des pages de discussion qui accompagnent aussi Wikipédia. Et en plus, on peut comparer les versions linguistiques, voir comment un article, donc la guerre franco-allemande, est traité dans la version française et dans la version allemande. C'est quelque chose qu'il dit souvent à propos des contenus en ligne, des projets numériques, c'est qu'ils sont valables comme outils, comme source d'information et à chaque fois en même temps comme document. Oui. Donc toujours, ces outils numériques deviennent eux-mêmes des matériaux pour l'analyse historique. Et donc ce serait un travail d'historien en fait pour lui, de faire ça par exemple, l'analyse de l'évolution de la perception de faits historiques par exemple, historique, via Wikipédia. Oui. Ouais. Il était dit, ou Aurélien avait dit, c'est vrai qu'en lisant le livre parfois on ne voit pas toujours le lien avec l'histoire ou l'historiographie. Parfois c'est valable pour toutes les disciplines, les humanités. Mais là donc il essaye de introduire l'histoire où c'est possible. Je crois que Wikipédia est un très bon exemple pour ça, parce que nous le connaissons tous, donc on peut en parler sans évoquer précisément ce que c'est. Ces pages sont assez descriptives. Il y a beaucoup d'idées comme celles que tu as dit, ce qu'on peut faire comme type d'analyse, mais il ne parle pas de projets, par exemple, qui auraient déjà mené des analyses, alors qu'il y en a, bien sûr. Étudier les liens, sémantiser Wikipédia, que sais-je, tout ça, ce sont des projets qui existent. Il ne nomme pas de projet, mais c'est des potentialités, et avant tout, une sorte de description des fonctions et du rapport entre l'historien et puis un outil comme celui-là. Et de manière générale, que ce soit pour Wikipédia ou pour toutes les étapes qu'il nomme dans ce chapitre assez long, ça m'a parfois donné l'impression que le contenu n'était pas particulièrement original, mais qu'à chaque fois j'apprenais quand même des choses, qu'il y avait des idées, des suggestions, et qu'il y avait beaucoup de références intéressantes. Oui, un exemple qui me vient en tête, par exemple, qui est après, tout à coup, je vois un paragraphe qui arrive sur JSTOR, et je me dis, bon, voilà, la liste continue. On pourrait aller à l'infini, il prend des exemples intéressants. Et puis tout à coup, je me suis aperçu que je n'avais jamais vu, même en utilisant JSTOR depuis très longtemps, quel était le nom original de JSTOR et pourquoi ça s'appelait JSTOR. J'ai toujours pensé à Store, un magasin, et au début, c'était Journal Storage. Bon, voilà, je vois ça tout à coup. Donc c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il a allé étudier Flickr, pour citer en note de bas de page, etc., est allé chercher toutes les pages d'information des sites, des articles éventuellement pour voir la genèse des projets, se documenter pour savoir comment ils ont évolué, même si ça ne donne que quelques traces dans son livre, ce sont des choses vraiment intéressantes. Je dirais que c'est profondément une démarche, enfin une des démarches possibles d'historien, il a vraiment un point de vue d'historien sur tous ces objets, tout simplement. Et pour ça, au moins, c'est très intéressant. Je disais les principales étapes, c'est vrai que ça commence par la bibliothèque d'Alexandrie, là, il passe par la Renaissance, en citant plutôt Gessner, donc le projet des bibliothèques qui veulent tout mettre à disposition. L'encyclopédie, évidemment, et puis jusqu'au Memex, à Foucault, à Wikipédia, donc on a en quelque sorte toutes les grandes initiatives et toutes les grandes pensées qui sont passées en revue. Il ne prétend pas pour autant à l'exhaustivité, donc l'impression est parfois un peu curieuse, mais à chaque fois, il y a des remarques intéressantes, et quand il revient au rapprochement avec l'histoire, la pratique de l'historien, c'est généralement très intéressant. J'ai trouvé intéressant aussi le lien qu'il fait entre l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert et Wikipédia. Il y a une citation où ils disent que les Wikipédiens, donc les gens qui font le Wikipédia, sont les héritiers légitimes de Diderot et d'Alembert, et que dans cette encyclopédie étaient ajoutés des articles sur des aspects techniques et artisanaux qui n'existaient pas avant. Oui. Et que dans Wikipédia, ce qui est nouveau, c'est des articles sur la vie quotidienne et la culture populaire. Donc ça, c'est pour le contenu, ça c'est nouveau, ça n'existait pas avant dans les encyclopédies. Ce qui serait aujourd'hui ce qu'était la technique au XVIIIe siècle, en fait. Qui aurait le même statut, en fait. La trivialité. Oui, la trivialité. Voilà, exactement. Oui, voilà. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant. Ouais. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a des pages très complètes sur les stars des... La culture populaire. La culture populaire, ouais. Les séries télévisées, des choses comme ça. Une sorte de subversion des savoirs établis, ouais. Sous forme d'un savoir établi. Mais différemment. Je veux dire que dans l'encyclopédie, documenter des pratiques de manière savante, qui ne sont pas des pratiques savantes, et de même dans Wikipédia, avoir une forme d'érudition très impressionnante sur chaque personnage d'une série japonaise. Non, tout à fait. C'est pas subversif. Ça l'est si on prétend publier à une époque où c'est difficile de publier. Donc, pour Wikipédia, c'est différent. Pour Wikipédia, disons plutôt que c'est le genre d'argument qu'on a contre Wikipédia pour dire que à 90%, ce sont des contenus qui ne sont pas très utiles à l'université. Ce qui est à propos qui se juge lui-même. Mais est-ce que ce n'est pas aussi l'exhaustivité du savoir on veut faire une encyclopédie qui doit tout engendrer, donc pour Diderot à Alembert, ça veut dire aussi technique et artisanat, etc. Tandis qu'aujourd'hui, une encyclopédie qui est complètement exhaustive, il faut qu'on parle aussi de Justin Bieber, on ne peut pas passer d'à côté. Le problème étant qu'il y a beaucoup de gens pour faire l'article sur Justin Bieber et peu pour faire l'article sur Gessner. Gessner peut-être, mais. Et peu sur Peter Haber. Donc là, on comprend bien la critique, c'est la question de la priorité après, dans l'exhaustivité potentielle. C'est que c'est. Voilà. C'est que la dynamique vient pas du choix des articles par une élite, même subversive, mais elle vient des utilisateurs eux-mêmes. Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect-là ? Non ? Vous remarquez, bien sûr, oui. Alors, pour continuer, on va arriver, vous allez voir les deux derniers chapitres ici, avant la conclusion, vont beaucoup plus au cœur de la question de la méthode historique. Donc, il en reste un ici, qui est complémentaire avec cette question de l'archive, de l'organisation du savoir en ligne, puisque c'est la question de l'heuristique, au sens de la requête. Alors là, j'ai traduit Zorens par requête, parce qu'après, il s'agit vraiment de la recherche, mais évidemment, il y a l'ambiguïté. Chercher, trouver, ça signifie à la fois en ligne aller chercher un ouvrage inconnu, faire une analyse d'occurrence et puis faire une requête dans un moteur. Donc ce qu'il appelle le syndrome Google est fondé sur ces questions d'information retrieval et de l'usage des moteurs de recherche. Il a une remarque intéressante, il la formule de manière intéressante en tout cas, qui est que cette pratique des moteurs de recherche est à la fois une réappropriation, même pour les chercheurs, qui ne passe plus par nécessairement par l'encyclopédie, qui est déjà l'accès, le premier accès au savoir, ou par le bibliothécaire, ou par le spécialiste, s'ils abordent un champ qui n'est pas directement leur. Mais tout de suite, ils ont un moyen eux-mêmes de se renseigner. Donc une sorte de réappropriation, une plus grande liberté. Et en même temps, avec ce droit, un devoir, quelque chose comme ça, des compétences à acquérir, des compétences à développer, pour lesquelles il n'y a pas de formation. Et à la fin, il termine aussi, à la fin de son livre, sur l'idée que c'est une formation continue pour tout le monde et en permanence. Eh bien, c'est vrai des pratiques de recherche. Vous voyez, encore là, ce n'est pas de la dynamite de dire qu'il y a des compétences nouvelles à acquérir. Mais la façon dont il le formule est intéressante, je crois, avec, pour l'historien lui-même, une tension entre les portails disciplinaires, on en a parlé. Il parle de ce qui s'appelait « subject gateways », et qu'il a connu. Et puis, de l'autre côté, les moteurs généralistes. À partir du moment où le moteur généraliste est devenu plus performant que le portail disciplinaire alimenté par des spécialistes, les spécialistes avaient un problème. Ils devaient se déterminer, savoir ce qu'ils allaient utiliser, comment utiliser en complémentarité, et on en est encore là, puisqu'on a des îlots d'informations auxquels on accède à travers les moteurs qui crawlent le web entier. Donc cette question-là, elle n'est absolument pas résolue, bien sûr. Il parle aussi dans ce chapitre-là de... Et là, il y a vraiment un aspect liste et descriptif, mais qui est très intéressant pour quelqu'un qui n'a pas une pratique directe de la recherche avec des outils numériques, et qui sera très intéressant dans 5 ans ou dans 10 ans pour ceux qui se pencheront sur ce que nous avons vécu, sur le fil RSS, le tagging, quel moteur de recherche, comment on est passé de Yahoo à Google, ce genre de choses, qui sont des sections assez... assez simple de son livre. On passe d'un aspect à un autre, d'un nom à un autre, mais ça a une valeur de documentation et il y a des réflexions autour. Tu l'as déjà dit, oui, que parfois en lisant, il y a beaucoup de détails, des informations, et parfois on cherche une thèse, quelque chose qui dit, tiens, c'est ce que je pense, ou ça va devenir ça. Bah, évidemment, c'est l'historien, donc il ne regarde pas dans l'avenir, ou peu. Parce que c'est pas un historien ne fait pas ça, il regarde le passé, et donc les chapitres forts sont sur les pages, les chapitres peut-être sur les passés, tandis que là ça devient plus vague déjà. Mais il y a néanmoins, mais peut-être un peu caché, il faut vraiment bien lire. Il y a quand même des thèses. Une que je trouvais intéressante, c'était qui critique que souvent on dit que la cohérence de l'espace informatique était mieux avant le numérique. Que dans le monde analogue, l'ordre, donc on parlait de l'ordre, est mieux classé. Et il critique ça, il pense que la cohérence n'était pas, peut-être pas plus, peut-être pas mieux avant que maintenant. Il parle de l'instrument pour créer cette cohérence, c'était les catalogues de bibliothèques, par exemple, qui créent une cohérence, mais aussi les bibliographies nationales. Là, il faut savoir qu'en Allemagne, la Bibliothèque nationale n'existait qu'à partir de 1913. Donc, il y a la traduction de cette cohérence est beaucoup plus récente qu'en France. Et par contre, il y a beaucoup plus, j'observe, des bibliographies pour des articles et des disciplines, c'est pour l'histoire. C'est quelque chose qui n'existe pas en France. Je ne connais aucune bibliographie en ligne historique sur l'histoire de la France ou de l'histoire tout court. En ligne. En Allemagne, on a les Jahresberichte für deutsche Geschichte, les Online Contents, on a plusieurs projets, à Berlin évidemment, à Munich évidemment, et un peu quelques autres. Nous, on a la bibliographie annuelle de l'histoire de France, par exemple, mais dont le projet de mise en ligne date depuis plusieurs années, et que c'est un serpent de mer, ça va finir par y arriver, je pense, mais c'est très compliqué. C'est imprimé, hein, donc. Oui, c'est toujours imprimé. Et en Allemagne, on a au moins 5 bibliographies. En ligne. Ce qui a aussi un problème. Donc là, il y a un gros projet de le mettre ensemble pour ne pas faire un double travail dans les différents lenders. Ouais. Mais il y a vraiment c'est un peu différent, je pense, dans les deux pays. Je crois qu'il mentionne aussi que le catalogue de la Bibliothèque nationale suisse a été très tardif. Il le mentionne à un moment, il est assez tardif. Oui, il parle de leur projet. Mais c'est intéressant, hein, c'est dysynchronie aussi. Et une autre thèse que je trouve intéressante, c'est quand il parle de la littérature grise. La littérature grise, c'est la littérature qui est normalement, on ne trouve pas dans un catalogue d'une bibliothèque. Donc tout ce qui est affiches, tracts, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des maîtrises parfois, ça dépend. des articles de journaux, etc. Donc la littérature grise, et ils disent qu'avec Internet, la littérature grise devient de plus en plus importante, puisqu'elle est plus facilement accessible sur Internet, on la chercher quand elle est en ligne, et que cette distinction ne fait plus aucun sens entre la littérature donc, qui figure dans un catalogue de bibliothèque et cette littérature qui n'y figure pas. Mmh. Parce que les bibliothécaires n'ont pas le moyen de le cataloguer, ou très difficilement. C'est une thèse, une mini-thèse sur une ou deux pages que je trouve intéressante. C'est la même dissymétrie qui, en ce moment, pour nous, est absolument cruciale. Savoir que les livres sont publiés, donc ils sont dans les bibliothèques, ils sont imprimés dans les bibliothèques, et puis les articles sont en ligne, éventuellement. Oui. Ce qui est fou quand on y pense. Oui. donc il insiste, avec ce passage de la rareté à l'abondance, sur les problèmes de tri, d'autorité, de recommandation, sur la réinvention du rôle des bibliothécaires. Et ça, ce sont des choses qu'on connaît bien, il les mentionne à leur place. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, ce chapitre-là. Peut-être qu'on en vient à cette question centrale de la méthode, qu'il aborde dans les chapitres, le chapitre qui suit en tout cas. C'est le chapitre qui est le moins généraliste de ce point de vue-là, le plus théorique et le moins généraliste. Et là, vraiment, il procède en historien. Alors, il part de la distinction entre analogique et numérique, de la distinction, de la définition de chacun de ces termes, des caractéristiques des médias numériques en citant Lev Manovitch. Là, c'est intéressant, assez méthodique, justement. Mais ça devient, je trouve, vraiment beaucoup plus pertinent encore quand il pose la question de la méthodologie en partant de Droysen et de Bernheim. Et donc, c'est la critique des sources. Quelle film critique numérique. Et pour ça, il a vraiment des pages entières où il résume ce que disaient ces auteurs du milieu et de la fin du 19e siècle, et de quelle manière ça a donné une forme aux recherches historiques. Il se trouve que là, on a des sources allemandes, mais que cette méthodologie allemande, avec la fondation de l'université allemande, la diffusion des méthodes, elle a valu effectivement pour une grande partie de nos systèmes universitaires. Donc là, l'accusation, la caractéristique du relatif régionalisme n'aurait vraiment aucun sens. C'est tout à fait pertinent. Son idée étant que la critique numérique des sources reprend les mêmes principes et en même temps permet de les perfectionner, de les porter à réalisation dans des domaines où c'était presque impossible de le faire avant. Donc ça, ce sont parmi les pages les plus intéressantes que j'ai trouvées. Je ne sais pas ce que tu en penses sur la méthode. Oui, tout à fait. Donc, il fait référence à Droysen, qui est un historien du 19e siècle. Donc, c'était à l'époque où les historiens, c'est pareil en France, pensaient à l'objectivité de l'histoire, qu'une objectivité de l'histoire est possible, et qui mettait donc en marche une méthodologie pour critiquer les sources. Et moi, je trouve intéressant que Peter Abbott dise que pour une grande partie, cette méthodologie est toujours valable. On pose les mêmes questions à une source si elle est analogue ou si elle est sur le web, ça ne change pas beaucoup de choses. Ce qui change, c'est une des idées fondamentales pour un historien, c'est à savoir est-ce que cette source est un original ou non. Est-ce que c'est l'original, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce que c'est un faux. Et là, ça change dans le web, parce qu'il n'y a plus d'original, on ne peut plus distinguer entre l'original et la copie. Même quand on télécharge pour une première fois, ou quand on crée une source, un document, le document est déjà sauvegardé plusieurs fois automatiquement par l'ordinateur, donc déjà il n'y a plus d'original. Donc, il explique un peu ces problèmes, et qu'il nous faut en fait d'autres vocabulaire pour désigner ce qui se trouve en ligne, qui propose le original copy, le copy d'original, ce qui est très drôle. Mais c'est intéressant parce que en parlant de ça, il souligne que cette distinction qu'on faisait autrefois entre copie et original était déjà dans le monde analogue une distinction construite ou un statut construit. Qu'on a l'original qui était copié par quelqu'un qui l'aurait écrit qu'est-ce que ça change. Donc il y a toute une partie philosophique là-dessus, et qu'il souligne donc ce statut construit de l'original, de copie, première copie, troisième copie. Peut-être qu'on peut dire pour le numérique, il y a un double mot, je me suis posé des questions parce que ces remarques sont justes sur l'original de la copie, par exemple, pour l'utilisateur normal. Mais après, dans un cadre technique, on peut avoir des informations davantage sur un fichier, sur sa provenance, sur sa circulation. C'est aussi qu'on n'a pas les outils pour le faire quand on n'est pas spécialiste. Donc c'est la réalité sociale du milieu de la recherche. Mais c'est sans doute plus compliqué, et ça dépend aussi des logiciels, de la façon de lire les informations qui sont déjà là. Et l'autre question que je m'étais posée, plus précisément, il dit, à un moment, page 110, que pour l'essentiel, dans le contexte numérique, on perd le paratexte. On perd tout ce qui encadrait et qui était les garanties habituelles dans l'imprimé, en particulier, de l'autorité, du travail effectué, social effectué pour la production de l'authenticité, de la valeur. Je me demande si c'est pas exagéré de parler de perte du paratexte. Il peut y avoir le phénomène du plagiat, de la copie, de la déformation, mais d'abord c'est intégré dans des modes de production avec des licences, avec des choses comme ça, avec les Creative Commons, etc. Et ensuite, le paratexte a encore tout à fait son sens quand on va sur un site officiel télécharger l'article. Il y a beaucoup de paratexte dans le numérique, parce qu'il y a toute l'interface qui est très très lourde, très présente, qui peut empêcher de copier, empêcher d'exporter, qui peut le permettre d'une certaine façon, qui donne des informations en plus, qui permet directement de retrouver d'autres contenus similaires, les articles du même auteur, etc. Donc il y a une réflexion probablement sur, déjà sur les bases de données des historiens, qui serait intéressante du point de vue du paratexte. Après, je comprends son idée. Hein. L'idée, c'est que c'est qu'on copie une suite numérique pour copier un contenu, et à partir de là, le statut d'original et de la copie n'est plus ce qu'il était avant, c'est sûr. Je pense, oui, que c'est exagéré de dire que le paratexte scientifique disparaisse complètement. Il fait référence au paratexte autour d'un livre qu'on connaît, par exemple, de remerciement. Oui. Il inclut ça dans le paratexte. Donc on met dans le remerciement, souvent, on remercie les bibliothécaires, les archivistes, pour dire que j'étais là, je travaillais là, on remercie des collègues qui sont connus, donc c'est une sorte de contexte. Et il parle de ce remerciement de la maison d'édition, donc là c'est paru dans le Eulenburg Verlag, c'est une maison d'édition très, très connue, très, très répandue. On perd ça aussi avec, parfois, en tout cas avec Internet, les sommaires, le registre, même le texte sur les quatrièmes d'un livre. Donc ça évidemment on le perd. Après il y a d'autres paratextes qui apparaissent, comme il parle du rôle de l'URL, que ça change si un texte est publié sur harvard.edu ou sur gratisweb.de, qu'il y a un changement là-dessus, un changement sur les utilisations des portails. C'est important de publié dans le portail. D'ailleurs, on le remarque avec des hypothèses. Je pense que c'est une des raisons du succès du portail, et que le fait que c'est un portail. Avant, il y avait des blogs qui étaient en Allemagne, en tout cas, qui étaient un peu partout. Maintenant, ils sont regroupés. Il y a le portail qui est derrière. Le poids du site est plus grand que le poids d'un seul texte qui est publié quelque part. Oui. Sur la question de l'original et de la copie, en fait, ça me fait penser en littérature, en études littéraires, on parle souvent du manuscrit, etc., mais on étudie aussi littérature numérique. Je me demandais si en histoire, il n'y avait pas des sources historiques numériques qui étaient des originaux, finalement. Enfin, je ne sais pas si on étudie déjà les... Oui, ça commence. C'est vrai qu'il en parle peu, d'ailleurs. C'est vrai ce que vous dites, parce que ça va... Ils nous disent... une fois que ça va changer beaucoup, que maintenant on utilise des sources qui étaient au début, en tout cas des sources écrites sur un papier, après ils peuvent être numérisés, mais ce qu'on va, on va bientôt travailler sur les tweets, les mails, etc., etc. Et puis il suffit de penser aux données administratives. Toi tu travailles sur des documents bancaires, ouais. Tout a été transformé, Il faudra que je dans quelques décennies. Oui, mais tu as travaillé. Mais vous voulez dire sur les sources digital born, en fait, c'est ça? Voilà, oui. Oui. Mm. Ouais, justement, moi je travaille sur cette question, et la question d'original, elle ne peut clairement pas se poser du tout. Il faut passer par un détour qui est un tiers de confiance. Donc, par exemple, si on veut être assuré de l'authenticité, ou en tout cas de la similarité extrême du document archivé avec le document, disons, d'origine, il faut passer par des collections patrimoniales, comme, mais on est dans l'enfance de ça, hein, comme celle de la BNF, celle de l'INA pour la France, et puis Twitter, on a la Library of Congress américaine, et partout dans chaque pays, on a maintenant des dépôts légaux, qui authentifient comme tiers de confiance ces documents-là. Mais comme on vous disait tout à l'heure, la nature même de la mémoire numérique, je veux dire la mémoire machinique, fait que l'original n'a plus de sens vraiment au sens le plus technique du terme. Quoi. C'est pour ça qu'il dit qu'il nous faut d'autres vocabulaires, et lui il parle de unfosset, donc de l'intégrité, je pense que vous l'avez mentionné, de l'authenticité. Oui. L'intégrité et l'authenticité du document. Et il fait référence, je pense, qu'à une signature électronique. À des métadonnées d'une manière ou d'une autre qui accompagne le document. En diplomatique numérique, il y a, comment elle s'appelle, l'italienne qui était à Vancouver, qui travaille beaucoup sur ce sujet. J'ai perdu son nom. Voilà. Avec la personne qui venait de Vietnam et de l'INTV. D'accord. Marianne Chabin. Non, ça c'est Chabin. Chabin, c'est ici, mais l'italienne qui est à Vancouver et qui travaille sur la diplomatique numérique. Et tout ce qui est authentification, on appelle ça du document, enfin du document numérique, c'est plus du record management. Oui, c'est le domaine qu'il cite évidemment, hein. Records management, c'est ce qu'il introduit à ce moment-là. Cela dit, de toute façon, mais je pense que c'est évoqué aussi, la notion d'original et de copie dans le papier, tout aussi. Si on prend le cas par exemple des discours, des hommes politiques, on a finalement à la fin un discours imprimé qui est l'original, c'est la version finale, c'est le discours qui a été donné à la personne qui fait le discours, et en aucun cas on a la preuve qu'il a suivi le discours. Alors on peut parfois avoir des articles de presse, on peut évaluer la chose, parfois les mémoires. Alors moi j'en ai jamais, enfin je travaillais sur les années 30, si j'avais pas d'enregistrement, c'est ce que je voulais. Voilà. Mais donc effectivement, dès cette période-là, et dans les périodes plus récentes, on a des enregistrements, mais on n'a aucune garantie que c'est ce discours qui a été mené. Ensuite, quand une administration traite un dossier, dans le cas des archives administratives, elle va faire une copie, par exemple. C'est un cas qui m'est arrivé, la Reichsbank va faire une copie pour la chancellerie du Reich. Laquelle des deux est l'original? À partir du moment où la partie décisionnelle s'est déroulée à la chancellerie sur la base de la copie. Finalement, la copie peut devenir l'original, puisque la décision a été prise sur cette base-là. Donc, de toute façon, ça reste une notion qui est floue. Et à la fin, dans mon papier en tout cas, finalement, le document original, c'est celui que l'historien, sur un certain nombre de critères, estime comme étant original. Ou l'archiviste, ou le bibliothécaire. Il y a toujours quelqu'un qui certifie cette originalité. Et même dans les traditions manuscrites médiévales et antiques, en réalité, dès qu'on est spécialiste, eh bien, la moindre copie étant d'une autre main, d'un autre moment, quelque chose est un objet historique en soi, est digne d'intérêt. Simplement, on en a en général 50. Le but, c'est d'éditer un texte et de version imprimée, et par conséquent, on postule l'original et sa valeur, mais en sachant très bien que chaque étape a sa valeur dans la transmission. Donc c'est très largement une question d'interprétation et de choix, bien sûr. Luciana Duranti. Voilà, c'est ça. Je signale trois points pour vous dire ce qu'il a à dire sur cette méthode historique. Il y a trois autres points qui me semblait important. Il mentionne, ça c'est assez rapide, mais le fait que le travail quotidien de l'historien est quelque chose qui est rarement accessible, alors que quelques publications en ligne, par fragment, donnent accès à ce genre de documents. Donc ça c'est une documentation future intéressante par le biais de soit de documents accidentel, je dirais, des gens qui prennent une photo, c'est pas lui qui donne ces exemples, qui prennent une photo de leur bureau ou qui témoignent du fait qu'ils découvrent dans telle base de données un article ou que sais-je, ou alors des témoignages plus réflexifs sur des blogs par exemple ou sur des réseaux sociaux. Là on a accès à ce cabinet de l'historien, mais de privé, et à ces pratiques quotidiennes, davantage qu'on l'avait avant. Ça, c'est un point intéressant. Je pense que les blogs, là, c'est pas à ce moment-là qu'il en parle, mais font partie aussi de cette nouvelle façon de témoigner de son travail et de réfléchir sur son travail et sur les autres. Les deux autres points, je dis tout de suite, c'est la data-driven history, c'est là qu'il en parle, principalement en parlant des n-grams dont parlait Frédéric tout à l'heure, et puis de, je ne sais pas trop pourquoi il prend cet exemple, on parle plus que d'autres, mais de la plateforme Perseus, qui est une plateforme de texte antique, qui a aussi d'autres documents que des textes antiques, et qui fait très vite le choix effectivement de la masse, de la comparaison, et du lien avec des outils d'analyse. Donc là, on en a parlé un peu. Et le troisième point, qui est aussi important pour lui, c'est la question de la transformation de la narration historique, de la façon d'écrire l'histoire. Transformée en particulier, pour lui, par l'hypertexte. Alors là, il y a une thèse, beaucoup. Bon, les termes sont assez attendus. C'est que la narration historique en ligne peut aller vers plus de transparence. On voit bien pourquoi, parce qu'on cite ses sources et on lit aux sources qu'on a utilisées, qu'elles soient publiées par d'autres ou qu'on les publie soi-même. Un élargissement du type de narration historique à travers l'hyperlien. Qu'est-ce que c'est que faire une référence en donnant le lien? Est-ce que le lecteur va aller voir le lien? À quel moment? Est-ce que ça donne une autre temporalité de traitement de l'information, etc. Et puis une restructuration, véritablement, une autre façon de narrer. Ça, c'est un point intéressant. Il ne développe pas beaucoup. J'aurais adoré avoir des exemples, en fait, là, à ce moment-là, que lui donne, peut-être dans des choses qu'il a publiées tout simplement sur son blog ou d'autres projets, des exemples de cette transformation de la narration. Ça reste assez abstrait. Il cite Past Perfect, ce projet, à Vienne, qui d'ailleurs est en ligne. J'étais étonnée parce que c'est un projet qui est fait par Wolfgang Schmal, à l'Université de Vienne, donc une autre figure phare de Digital Humanities, et un historien aussi comme du temps moderne. Et il a fait ce projet qui s'appelle Past Perfect. J'ai le lien, je peux le tweeter pour tout à l'heure. Et il s'agit donc de 700 textes qui sont liés l'un avec l'autre d'une façon. Enfin, qui ne sont pas liés, justement. Peter Habe, il a introduit un mot que j'aime bien, qui s'appelle les épfades, donc les chemins de lecture. Et ils disent qu'un livre, notamment des romans, il y a le chemin de lecture, il est linéaire, on lit du A à Z. Un roman, on est presque obligé, enfin, à moins qu'on lise la fin, on ne lit plus le reste. Mais contrairement au manuel ou au lexique, à l'encyclopédie, on peut lire aussi d'une façon non linéaire ou séquentielle. Ils disent que l'hypertexte, la publication en hypertexte, l'hypertexte en soi, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de fin. C'est des unités de pas plus de 2500 mots, en tout cas, c'est lui qui dit que ça, c'est la taille. La plus grande taille, et qui sont sans fin, qui sont des textes non linéaires. Donc la façon dont on lit, c'est pas de 1 à 7, mais on peut donc trouver son propre chemin de lecture. Et Past Perfect, ça sera un excellent. Oui, oui. À propos de cette question de la linéarité contre l'hypertexte, à chaque fois qu'il y a une question d'hypertexte, on a eu quelques séances sur le thème, sur les premiers théoriciens de l'hypertexte. Je trouve qu'on simplifie un peu les choses et surtout qu'on ne réfléchit pas assez aux pratiques savantes. Dans les faits, la lecture linéaire n'a jamais été une pratique savante. Au contraire, emprunter un livre en bibliothèque ou une pile de livres, c'est pour en une heure aller d'une page à une autre à toute vitesse, commencer par l'index et la table des matières, aller voir une note de bas de page, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué et très souvent on a tendance à aller trop vite au premier modèle d'hypertexte littéraire où on a un écran, on clique, on va à un deuxième écran aléatoirement défini. Mais la réalité de la lecture a toujours été plus compliquée. Ça reste vrai, mais... Ouais. Mais il parle aussi du fait que chaque unité dans le hypertexte est autonome. Et d'ailleurs, je me demande là s'il ne voulait pas faire ça aussi un peu avec ses chapitres, parce que c'est des unités assez autonomes. Et il a peut-être écrit aussi d'une certaine façon un hypertexte dans une version analogue. Pour lui, l'hypertexte, c'est une décomposition des textes en éléments des contenus. Et on pourrait aussi peut-être comparer ça avec avec les markup languages, mm-hmm. où on a donc auteur, donc c'est cette décomposition qui est vraiment autre chose que par rapport à un texte comme on le connaissait avant. Mais qui est fait par quelqu'un. Dans le cas de la lecture, comme vous dites, c'est le chercheur qui fait. Bien sûr. D'une certaine manière, son hypertexte. Oui, mais en permanence. D'une certaine manière, en sautant de livre en livre, il pique telle référence dans tel livre, il va chercher dans ce livre-là, etc. Mm-hmm. Tandis que dans l'hypertexte, les choix sont faits par quelqu'un. Mm-hmm. Ils sont faits par le lecteur. Et le lecteur a un choix qui est un choix secondaire par rapport à un choix qui a déjà été fait. Oui, mais après, au moins, il y a le choix. Donc l'idée, ce qu'ils disent aussi, c'est de rajouter des liens, que chaque unité, c'est jamais un impasse, qu'on a d'autres possibilités qui devraient inciter à lire plus. C'est un espace où on peut associer librement, enfin plus ou moins librement, avec ce qui existe. Et évidemment, c'est vrai pour l'auteur qui est en train de créer un tel espace, il pense déjà pour le lecteur. Il pose cette question, est-ce que, en quoi ça change l'écriture de l'histoire si ce texte est fait pour être publié en ligne ou en tant que petite unité en hypertexte, ou si ça devient un livre imprimé. Moi, ce que je veux dire juste, c'est qu'il faut faire attention à ne pas trop rigidifier le modèle et que la délinéarisation, c'est une réalité. Mais vous ouvrez simplement un lien dans une autre, dans un autre onglet, ou bien vous avez beaucoup d'onglets ouverts en même temps, ou deux fenêtres ouvertes en même temps, ce qui est très difficile théoriquement à prendre en compte, et déjà la lecture est différente. Ça n'est pas sauter à une page suivante et ne pas pouvoir revenir, ou revenir seulement après. Il y a quand même quelque chose que l'hyperlien change de manière radicale, c'est que dans le modèle théorique de l'historien, on fait une note de bas de page. Une note de bas de page sert à donner au lecteur les moyens de vérifier ce qu'affirme l'historien. Dans les faits, dans un livre papier, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Soit c'est un spécialiste qui connaîtra un peu et qui pourra dire plus ou moins si on dit des bêtises ou pas, si l'auteur dit des bêtises ou pas, mais il ne va pas pouvoir contrôler, vérifier que chaque source est bien citée, et il ne va pas, surtout pour les sources primaires, s'il connaît bien la littérature secondaire, c'est un peu différent, mais pour les sources primaires, il ne va pas, dans le cas de ma thèse, aller à Berlin, Hanovre, Munich, Bâle, Paris pour vérifier les archives que j'ai faites. Il ne peut pas. Il ne peut juste pas. À partir du moment où on s'oriente vers des travaux qui de plus en plus seront liés aux sources primaires directement, voire carrément seront livrés avec une base de données regroupant ces sources primaires, il pourra vérifier soit directement, par une lecture humaine directe, soit en utilisant des outils d'analyse. Il pourra vérifier beaucoup plus. Bien sûr, il ne pourra pas vérifier chaque référence et chaque source primaire, mais il pourra quand même vérifier beaucoup. Alors ça, c'est typique de ça aussi. Hein. Oui. Et ça, c'est aussi une partie, c'est pas que la lecture, c'est aussi finalement une partie écriture de la part du lecteur. Enfin, alors, c'est un mélange des deux. C'est un pacte de lecture, c'est une construction de la confiance. C'est une construction de la confiance dans le travail savant. Et c'est typiquement une remarque qui s'applique à tous les domaines. C'est pas du tout spécifique à l'histoire, ça. Mais c'est normal. Parler de mon domaine, de ton domaine et du sien, donc c'est tout à fait naturel. Mais justement, là, c'est là aussi que l'extension pouvait être plus explicite encore et qu'elle est évidente pour nous. C'est comme ça que fonctionne la paracritique d'un texte édité par un philologue. Comme des potentialités de vérification. Et il y aura quand même quelqu'un, quand on publie une édition d'un texte avec toutes les variantes, il y aura quand même sans doute quelqu'un un jour qui ira chercher le manuscrit B32. Et si c'était le B33 et qu'en plus il n'a pas la même leçon, il le dira. Donc ça reste normalement potentiel, mais dans certains cas quand même, ça peut être vérifié. Mais le fait que ce soit en ligne change tout. Là, je suis entièrement d'accord. C'est ce qu'il appelle transparence. Hein. Il parle de la transparence. Que mettre les liens vers les sources utilisées, que tout le monde pourrait le voir. Mais c'est vrai, ce que tu disais, j'aimerais répondre là-dessus, ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que ça change vraiment entre la lecture analogue et la lecture numérique? Est-ce que le pratique savant ne veut pas qu'on cherche dans un chapitre ce qui est intéressant? Et à quand remonte la dernière fois que vous avez lu un livre de A à Z? Mais c'est une critique qui est faite très souvent, je trouve, que la faute à l'internet, qu'on ne lise plus un livre de A à Z, qu'on n'a plus cette concentration, qu'on est habitué à lire maintenant sur internet, donc de petits fragments, vite fait, qu'on cherche, qu'on ne se donne plus le temps de lire un livre vraiment dans l'intégralité. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que moi personnellement, je regarde ma pratique à moi, c'est vrai que je ne lis plus le livre de A7. Non, c'est... En même temps, on est dans une période où il y a une multiplication des comptes rendus de lecture aussi. Mmh. Donc il y a bien des gens qui lisent, mais peut-être pour les autres du coup, les livres de A à Z à un moment donné. Mais pour peut-être aussi dispenser les autres de devoir lire le livre de A à Z et de savoir qu'à tel endroit il y a un truc intéressant qui va aller chercher. Je dis un mot du dernier chapitre avant la conclusion, qui est moins théorique et moins plus rapide et davantage fait de liste que le précédent. Vous allez voir, je balise les thèmes qui sont évoqués. Ils sont très nombreux, thèmes ou outils. C'est la partie histoire de zéro. L'histoire, il part de là, est une représentation discursive d'ensemble de relations du passé. Donc il reprend une citation, il donne une définition de ce que c'est et donc de quelle manière ça peut changer. Et avant sa conclusion, il donne une idée des modifications qu'il a connues et qu'on peut imaginer, qu'on peut prévoir. Modification des conditions de l'écriture, donc c'est pas seulement la narration, c'est la façon même dont on peut écrire grâce à des outils. Modification du statut de l'auteur, en particulier il parle de production collaborative, bien sûr. Et avec le passage de l'ordinateur, comme je disais tout à l'heure, du statut de machine à calculer à celui de machine à écrire, j'aime bien la façon dont il le dit, c'est assez efficace. Il reste à déterminer un usage spécifique pour l'historien. Que fait-il avec cette double machine exactement. Et là, c'est vrai que ça va du côté de la liste, il parle de Word et de traitement de texte, de cette procédure essentielle du copier-coller, du web 2.0 en disant je ne vais pas faire une typologie, mais il donne aussi beaucoup d'exemples de types de services, des blogs. Et il parle d'auteurs, Foucault, Barthes, puisqu'il parle de la question de l'auteur. Et puis aussi, je trouve ça bien qu'il y en ait un troisième qui vienne après Foucault et Barthes, où honnêtement, dans cette page-là, on se dit, bon, bah, il l'a dit, il l'a fait, il fallait peut-être le faire, il l'a fait. Il cite la typologie, les trois types d'écrivains selon Bonaventure. Donc Saint Bonaventure, après Barthes et Foucault, là, j'ai trouvé ça pas mal. Moi j'ai noté 4 fonds. Il y en a un autre après. Ah les 4. Ah, faudra. Si tu as peut-être raison. Vas-y. Ensuite, il évoque la question de la collaboration plus précisément, de l'interactivité, quand vous utilisez un wiki, Google Doc et compagnie. Et revient à des questions plus générales, en citant Kozelek, pour dire que chaque période a sa façon d'écrire l'histoire. Là, il joue après Kozelek. Sur les deux mots allemands de Geschichte et History, façon d'écrire l'histoire, historiographie, et puis période historique, époque. Donc là, c'est intéressant parce que ça donne un cadre général à toutes ces réflexions qui sont assez techniques, enfin descriptives, c'était le bon terme, je crois, et qui sont aussi un peu du name-dropping par moment, du service du moment, ou de la veille, ce qui est intéressant aussi. Pour dire que les pratiques changent de manière plus générale, et outre la collaboration, il y a la question de l'image, l'introduction de l'image pour l'historien comme pour les autres, et des visualisations de données, l'ouverture avec les chats, etc., qui donne une massification aussi des discours sur l'histoire, et enfin la question de l'open access, du contrôle de la qualité ex post, non plus avant la publication, mais une fois que les choses sont disponibles en ligne, par un processus social, et puis des systèmes de publication de manière très générale. Vous voyez que ça, je donne l'impression de pot-pourri à dessein, parce que c'est en simplifiant encore la grande diversité de ce qu'il cite. Tout est important, tout est pertinent dans son chapitre, mais c'est vrai que ça fait une sorte de liste dans ce chapitre-ci. Encore une fois, cette liste, comme ce sont des outils qu'en général on utilise tous les jours, on se dit que c'est un peu banal, et qu'en même temps c'est une description fidèle. Et je crois que c'est intéressant d'avoir ce tableau et qu'il sera passionnant pour des gens dans 10 ans. Donc je comprends aussi pourquoi il le fait. Oui, juste une chose que j'aimerais rajouter. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était ce passage sur l'écriture collaborative. Et où ils disent que la question du pouvoir est très importante et pas souvent évoquée. Donc, à savoir, quand on écrit un texte ensemble, qui peut corriger des phrases? Est-ce qu'on peut corriger la phrase d'une supérieure? Qui va dire à quel moment un texte est terminé et à publier, ou est-ce que c'est la fin du travail ou pas? Ça me fait penser à la rédaction de notre manifeste. On a rédigé donc ensemble sur un pad le texte, on s'est corrigé, donc là il n'y avait pas de supérieur, donc le pouvoir était peut-être moins, en tout cas pour moi, n'était pas visible. Et aussi, je ne sais plus comment on a décidé à un moment donné que c'est la fin, ça y est, on va terminer. Mais la question qui est l'auteur, revenu aujourd'hui, tu as posé la question, enfin là c'est pas sur le manifeste de Young Scholars, mais le manifeste de 2010 qui a introduit le terme ah, oui, c'est vrai. Transdiscipline. Oui. Donc c'est exactement ça. On ne sait plus. Enfin, ou peut-être qu'il y avait quelques idées, c'est ce que c'était marin, ou qui c'était. Donc, c'est intéressant, c'est que c'est quelque chose auquel on ne pense pas, en rédigeant un texte ensemble. C'est vrai. Ouais. Ces conclusions sont que, bon, je cite une phrase, le changement numérique ne fait que commencer, ce qui montre bien aussi qu'il a conscience de que son tableau vaut comme témoignage d'un moment. Il y a de nouvelles échelles, il y a de nouveaux types de données. Il n'en parle pas beaucoup, mais il cite à chaque fois ce fait que deux nouvelles données sont disponibles et qu'il y aura de nouvelles méthodes à diffuser, à élaborer avant. Pour paraphraser sa conclusion dans la conférence à Luxembourg dont on parlait au début, la question qu'il pose, c'est à quel moment l'Internet et les méthodes numériques sont-ils ou seront-ils assimilés par l'histoire mainstream ? À quel moment est-ce que ça devient banal, justement, mais pour le meilleur, c'est-à-dire pas forcément invisible, mais en tout cas lisible par tout le monde. Ça, c'est vrai que c'est une bonne question, parce que tous ces outils-là, ils me semblent banals, ils sembleront complètement exotiques à beaucoup d'historiens qui produisent les travaux les plus reconnus actuellement, évidemment, exotiques ou anecdotiques, sans aucune portée pour la valeur du travail et la réalité de ce qu'est le métier d'historien. Donc c'est intéressant. Et il a finalement une conclusion assez nuancée au sujet de la méthode historique. Il s'agit, comme je disais, de mettre à jour Droysen, plutôt, pas de le remplacer, et d'intégrer les méthodes qui sont rendues possibles par les technologies, donc faciliter le travail, et d'intégrer des méthodes qui seront rendues nécessaires par les sources, et qu'on n'a pas encore. Donc il y a les deux. Certaines sources imposent de nouveaux outils et de nouvelles méthodes. L'historien en a besoin, il ne va surtout pas s'en détourner. Il faut aussi mettre à jour efficacement ce qu'on fait déjà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est nuancé. Et il donne trois tendances. Là, il ne joue pas du tout au prophète, hein, mais ce sont des choses qu'on a déjà évoquées, qui lui semblent importantes pour les années à venir. Le domaine du visuel, qui n'est pas spécifique à l'histoire, bien sûr, mais qui est très important. Il évoque le terme de « visual history », ce qui n'est pas quelque chose qu'il a évoqué véritablement avant, mais c'est intéressant, et le lie à la visualisation des données. Donc c'est un peu tout ce qui est du domaine de l'image, mais qui est forcément était une frontière nouvelle jusqu'à il y a assez peu de temps, et qui va s'intégrer aux pratiques, mais on ne sait pas comment encore. Deuxième point, redéfinition de ce que c'est que la publication, l'ouverture, le fait de rendre public, et il cite autre expression américaine, tout à coup, enfin anglaise, la « public history ». Alors, en 2011, là, et dans la jeunesse de son livre, il ne va pas jusqu'à cette question de la « citizen science », qui est maintenant très sur le devant de la scène, contribution de la société dans son ensemble à l'évolution du savoir validé par l'université et la recherche, mais c'est vers ça aussi qu'il pointe. Et troisième point, nécessité d'une construction permanente qui est imposée par le changement numérique. Les technologies changent, donc c'est un changement permanent aussi pour les historiens et pour tous les usagers des technologies que nous sommes nécessairement. Sa conclusion, c'est donc que, je paraphrase, personne ne sait ce que sera l'histoire dans quelques années, ni même si les technologies numériques vont avoir un rôle central dans son évolution. Mais il y a des arguments pour dire que ce sera le cas. Donc voilà, c'est sa façon de dire je crois vraiment que ce livre est important et que l'objet auquel je m'intéresse change des choses. Et vous voyez, c'est en même temps à fleur et moucheté. Hein. Voilà. Oui, parce qu'il est historien. Donc, oui, tout à fait. C'était pas son but de poser. Et d'ailleurs, il débute cet dernier chapitre avec la phrase qu'il y a déjà 40 ans d'histoire, il y a déjà 40 ans que le numérique est entré dans l'histoire. Ce que je trouvais intéressant aussi. Il ne faut pas oublier, ouais. Même si on est à la fin, on est dans le web 2.0, mais la plupart du livre est aussi sur la période avant du web 2.0. Et il y a aussi quelques paragraphes sur la relation, ou le changement de la relation entre la science et le public intéressé, le public en général, avec le weblog, etc., qu'il y a donc un changement. Qui décrit un tout petit peu. Je termine juste, là, il est 15h, en disant ce à quoi j'étais particulièrement sensible, mais vous l'avez compris, la dimension historique du propos me semble vraiment intéressante. Il y a une histoire longue des pratiques historiques qui revient à chaque fois qu'il y a un point d'accroche qui s'y prête, et des pratiques savantes plus généralement, et puis aussi réintégrer dans l'histoire des pratiques informatiques, numériques. Donc c'est pas ce qui est le plus développé dans le livre, mais à chaque fois que ça vient, je trouve ça vraiment intéressant. Donc ça, c'est une chose qui peut vous intéresser. Et puis, comme je le disais, quand on n'est pas dans le monde germanophone, la valeur de cette enquête pour connaître des réflexions, des références auxquelles on n'a pas accès habituellement. Ce choix-là n'est pas explicité. Le point de vue germanophone n'est vraiment pas explicité. On s'est posé la question au début de savoir pourquoi, donc je n'y reviens pas. Mais en même temps, ça contribue à quelque chose qui me semble tout à fait nécessaire. C'est pour ça qu'on fait ce cycle de séminaires-là. Qui est de mettre en réseau les traditions nationales, les traditions linguistiques, qui en général sont relativement hermétiques, ou qui ont comme seul point commun des livres en anglais que chacun peut lire, ce qui est un paradoxe. Le livre n'est pas traduit, il est en allemand. Il y a beaucoup d'interventions ou textes de Peter Haber que vous pouvez lire. Y compris certains en anglais. C'était une référence en anglais que tu avais donnée dans Writing History. Hein. Donc il y a des choses qu'il a écrites qui sont en anglais. Oui, la conférence est en anglais, tout à fait.